That having been said, it's a shitty day in the Ark, like every single day. Mm. All days are shitty. It is overcast. C'est weather, weathercast ce matin. C'est le overcast. Nice. C'est pendant la journée. Tout le monde va à ses occupations. Le market est relativement busy, même si tout le monde est comme pas de bouffe, pas de bullets. Oh, tout le monde est en train de mourir. Il y a genre du monde qui quête, il y a du monde qui se bat pour comme une vieille bouteille d'eau Evian à moitié pleine. J'ai l'air d'eau pour une. Qu'on trouve l'intercom du bateau, puis qu'on crée une radio même pour notre arc. Vous allez avoir besoin d'une source de power pour faire ça. Je prends ça en note, mais non. Continue. Le mec, tu te rappelles ce qu'on avait dit pour la faire? C'était juste un paquet de tubes. Oh oui! Le paquet de tubes à suction! Puis ça, il y a ça dans tous les bateaux. Le paquet de tubes que tu gueules dans le tube, genre pour te rendre jusqu'à l'heure dans le bateau. Parce que t'as pas besoin de power pour livrer les messages. It's heavily overcast. Il y a des gros nuages gris qui s'en viennent. On est en spring. Fait que d'habitude, il pleut tout le temps. C'est pas inhabituel qu'il y ait plein de big ass clouds comme ça. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais tout en train de faire ce que vous faites d'habitude, que vous venez de décrire. Felipe is trying to haggle for some grub. Cousteau is getting some light, I guess. Ou est-ce que non, Cousteau t'arrête de revenir d'une espèce de solo expedition dans le zone. Genre explorer un petit peu les alentours. Marl is just beating someone qui a genre volé comme une demi-pomme moisie, genre au market. Puis comme il espère que en beatant le gars que le merchant va comme vouloir y donner quelque chose, mais comme c'est pas ça. Il fait un show genre, he's looking at me. Scream louder! Come on, give me something. Puis, I guess Bertrand is just petting his dog. It's for innuendo, là. C'est... Chilling with my dog. Puis je vais demander. En train de checker aux alentours de l'entrée. Tout le monde, même si vous avez pas le skill Know the Zone, vous pouvez rouler le skill en ce moment. Okay. Si vous l'avez pas, c'est juste l'attribut. Tout le monde a aussi un dé jaune additionnel pour ce rôle-là. C'est wit, ça? Ouais. Fait que c'est comme si on l'a pas, c'est comme si on avait un dé automatique. T'as juste l'attribut. J'ai juste l'attribut. Comme si un dé jaune additionnel. Ouais. Comme j'ai un dégât de wisdom, j'enlève un dé. Exactement. Ok. Non. Est-ce qu'il y a un dommage? Et le moins, est-ce que c'est bon qu'ils ont des succès? C'est un succès, puis un c'est un fail, right? C'est un fail, mais ça compte pas tant. Les 1 sont pas pertinents tant que tu pushes pas ton rôle. Okay. Fait que toi, t'as un succès. T'as un succès. Pas de succès. Toi, t'as fuck all. Y'a quelqu'un qui veut push son rôle? Même si j'ai l'air qu'il y a personne qui sait c'est pourquoi le rôle, mais. Non. Moi, je peux pas. Attends. Je relance tout ce qui est pas un succès. Ouais, sauf le 1. Non, ça vaut pas la peine. Non, 5D, ça va valoir. Je pense pas. Ok. Je bouge mon 1. J'adore que. Mais je suis broken. Ok. Ah, oh, shit. En quoi? J'ai deux dommages. En quoi? En wits. En wits, qui est parfait. Il y a plein de points de mutation. Mais je suis broken. Mais full mutation point. Parce que j'ai deux. Parfait. Fait que je pensais que j'allais pogner autre chose qu'un. Fait que dans le fond, fait que Merle continue genre à puncher le gars sur le deck. Il est comme. Tu sais, pis le merchant s'en fout. Il est comme non, mais c'était déjà comme. I was throwing that away. Là, genre, c'était pas bon. Fait que là, t'as comme. You kinda look like an asshole. il était comme, oh here, have something to eat. T'sais, là tu l'as juste grab pis tu le beat. Tout le monde est comme, the fuck is your problem? Fait que là tout le monde est, non, le monde sont pas super down avec Marl en ce moment. C'est genre, il est pas super cool là, c'est, non. He's just beating a homeless guy. He's kind of a half-wit. Fait que ça c'est ce qui se passe. Oh my god. Passe pour toi. Trop sûr, t'es comme, ah mais... Comme, mais là, ça fait trop longtemps que tu le beat, t'es comme, hey, si j'arrête maintenant, c'est weird, so I kinda have to keep beating him. Puis, qui d'autre, qui avait réussi par contre? Mais t'avais réussi quand même. Ouais, j'avais réussi quand même. Puis, pendant que tu le beat, t'arrives pour le beat encore, puis il y a comme il commence à pleuvoir, mais tu fais pas vraiment attention parce qu'il pleut souvent, puis c'est votre principale source d'eau. Vous avez des rain catchers qui sont construits un petit peu partout, qui sont comme des gros barils, qui sont connectés à des pipes ça s'en va à une espèce de comme de grosse cuve qui filtre l'eau parce que l'eau est quand même rotten. Mm-hmm. Puis t'arrives pour le puncher, puis the guy just starts screaming, comme il commence à pleuvoir puis il y a de l'eau qui tombe sur lui, and he's screaming, mais he's not screaming when you punch him, he's just, screaming offbeat. Puis il y a comme black rain. Il y a des vapeurs qui commencent à sortir du gars. And then you notice that your arms are starting... Ça commence à brûler un petit peu, puis t'es comme, the fuck? Fait que je vais juste te donner un damage. Prends un damage, tout ça. Toi, c'est ça? Ouais. Fait que ça, c'est ce qui arrive, là, pendant ce temps-là. Là, t'as Max Cousteau qui est en train de revenir sur son expédition, puis qui est comme... Qu'est-ce qu'il fait Max Cousteau en faisant son expédition? Quand il croit, genre, les gardes qui protègent l'entrée du arc. Ah, les gardes qui protègent l'entrée du arc? Ouais, mais tu sais... Pas vraiment, il y a genre un dude avec une spear qui est comme « Hey! » Howdy, good sir. Back from my expedition. Puis, en faisant ça, you look up at the sky and you notice that the clouds, you know those kind of clouds. You've seen them before. Mm. That's acid rain. Ouais. That's not cool. Puis t'es comme « Oh shit, genre, il va se mettre à pleuvoir bientôt. » Comme tu vois genre l'eau qui s'en vient. Tu dis quelque chose de tasteful, genre « Regarde dans le ciel. » Puis... Qu'est-ce que tu dis tasteful? Non, moi, je veux savoir. Genre, j'ai rien de tasteful à dire. Mais c'est pour ça que je dis ça. Sinon, tu fais sûr que je l'aurais dit. Fait... après avoir vu ça... So, you know that acid rain is coming. Okay. And you know this the same thing. Okay. Toi, t'as aucune idée. You're too busy. Non, non, it's for two bullets! Puis comme, tu sais, genre, you're haggling over, genre... Avec... Qu'est-ce que t'essaies de vendre? Qu'est-ce que j'essaie de vendre? Attends, oui, mais attends. Faut que ça soit quelque chose de... Une super crap. Cousteau a ramené du zone. Un écrou, tu sais, un boulon. Un boulon. Un single boulon. Un single boulon. Un boulon, puis je suis comme, non, ça vaut au moins 3 bullets. Come on. Ok, moi, je vais juste modifier ça. C'est un Ziploc bag avec des écrous. Parce que un écrou, c'est vraiment poche. Un boulon. Ok, t'essaies de vendre un bag de boulon. Nice. Tout rusty. J'adore ça. Ok. Fait que toi, t'es occupé à faire ça. Toi, tu notices aussi le acid rain qui s'en vient. Vu que j'allais dire, tu sais, vous l'avez noticé. Toi, tu prends du damage parce que. Je suis comme confus, genre. Parce que t'es broken. Vu que t'es broken, je te donne ton damage. Tu peux, genre, pas agir. Vous avez le temps d'agir. Vous pouvez. Tu sais, vous pouvez faire ce que vous. Okay. Vous pouvez vous imaginer, mais vous pouvez. You can get to shelter. Tu sais, vous pouvez, genre, vous assurer de pas avoir de damage. Ou. On n'a pas un protocole, genre, dans notre arc, quand ça arrive, on a-tu des flashs? Ça arrive pas! Non, mais y'a-tu genre... Le gars, il est comme propre. Y'a pas comme un dude aveugle qui commence à aller, genre, sonner une cloche, pis comme... Acid rain! Genre, tu vois, quel genre de protocole, bon, je parle. C'est quand même un niveau trop élevé, genre. Un niveau organisationnel. Lui il est là genre toute la journée avec sa main tendue. Dès qu'il sort de la tête, il est comme oh my god! Non? C'est non, là mais... dude juste pour ça. Regarde on a cap de culture. Le arc n'est pas vraiment assez dégueulasse. Genre si je gueule Burning Rain, est-ce que les gens vont catcher? L'affaire c'est que t'arrives dans l'arc, fait que si tu veux avertir les gens qu'il faut qu'ils se mettent à couvert, ça va être ça ton action. Mm-hmm. You might take damage, mais je vais te demander si ça va être genre un roll de injure ou de move, de... Dans le fond, c'est que tu vas essayer de one shot. Je peux avoir un dé d'équipement parce que j'ai des bandages all over my body. Alors, non, mais ça pourrait être ça ton action. You could sound the alarm. Ouais, c'est ça que je vais faire là, je vais alerter les gens. Mon dog est là. Ouais, ok. Fait que pour... Genre, je sors la note de flûte. La plus tridente, man, de ma vie, genre puissante, j'utilise mes poumons. Moi, ce que je vais te demander de roll un move roll. OK. Pour essayer, genre, de run into the arc, puis genre, de warn le monde. Right? Fait, move, c'est agility. J'ai un move, j'ai 5 d'agility. No problem, oh. Let's do this. And 0. j'en ai un. Je me push. Tu push? Mais t'as deux. C'est pas grave. T'as deux. Oh shit! Tu prends automatiquement 2 dégâts. Holy shit! I don't push. Fuck the people. Sauf que. J'ai oublié No one. If they can't protect themselves, they deserve to die. Sorry, man. Je m'en vais chiller, là. Genre, non, mais je peux bien les avertir. Je les avertis une fois, genre. Je peux bien les avertir. Je fais genre un peu de... Mais je vais pas t'aider à sortir de chez toi. Exact, c'est ça. C'est quelqu'un qui est stuck. You're getting to shelter. Oh, c'est ouais, plus mais... ça ta priorité. Je veux alerter les gens, genre. Tu sais, je veux pas changer mon Ok, parfait. Puis t'as eu un succès, tu dis. Ok, fait que ouais. Tu réussis, tu sais, genre, tu cours, t'alertes du monde, t'es comme, no, you must get to safety, ou... Comment est-ce que tu alertes les gens d'ailleurs? How do you do that? Ben ça, je fais en premier, je fais genre une new série de notes, genre super fort. Ok. Puis là, tu essaies d'attirer l'attention, tu fais un call. Puis après ça, là, Burning Rain! Get to cover! Parfait. Puis qu'est-ce que Bertrand fait? Bertrand, il s'assure que son mode est en sécurité de la rain. Ok. Puis si ça c'est fait, ben il se calisse de reste. Ok, parfait. Tant fait que t'as ça aussi à pousser. Oh man! Ouais? On a plein d'équipements à la rain qui vont être endommagés, genre les bâches, tout le shit. Ah, c'est des big-ass barrels, faudrait. Je sais pas. C'est pas moi qui s'occupe de ça. Non. On a pas de crops encore, ça c'est fine. Mais toutes les choses qui sont à la rain. Maintenant tout le monde a choisi qu'est-ce qu'ils vont faire. Now it's raining and it's raining acid. Puis comme ça brûle pas à travers le deck du bateau, mais tu sais ça fait comme ça. C'est corrosif, là. C'est pas nice, là, genre. Ça va laisser un le beau monde, genre il y a des mutants qui crient partout. Le monde essaie de get to cover, de sauver leur stock. T'as du monde qui en profite pour régler des old feuds puis qui pousse du monde dans le rain. C'est it's mayhem. Fait que je demandais que tout le monde va faire un. Pour éviter le damage. Ouais. Ça va être genre vous avez 6 dés bleus, s'il te plaît. Fait que d'abord c'est des move roll. Vous voulez comme éviter le rain ou essayer de vous sauver. Je peux quand même faire de quoi même si je suis. Ouais! Qu'est-ce que tu voudrais faire? Non, mais genre, en fait, move. Moi je suis broken, je sais pas qu'est-ce que. Non, mais c'est ça l'affaire. Mon gars il est juste comme wondering. Vu que t'es broken, c'est pour ça que j'ai donné un damage automatique de plus. Là. Oh shit! J'ai deux succès. T'as deux succès? Ok, fait que. Même si t'sais, je veux dire, tu vois l'eau qui commence à tomber, qu'est-ce qui te donne la puce à l'oreille qui fait que... Ben c'est que je suis en train de me signer avec le gars pis t'sais, comme, je sais que je lui ai donné mon affaire, mais t'sais, c'est quand même boring là, que ça dure aussi longtemps, c'est genre ça a pas rapport. Mais à un moment donné, comme j'entends au loin, t'sais, je vois dans le champ de vision plus loin du monde qui commence à crier ou t'sais, je vois qu'il y a de l'activité dans le marché qui bouge, fait que je suis comme... Ah ben gars, je commence à... Excuse-moi, genre, ben ok, ben d'abord, laisse faire, genre, je suis comme, ah, fuck ton boom, genre, je m'en veux, genre. Wait. Fait que Philippe, il se rend compte que c'est du acid rain, puis il dit pas au dude, il fait juste comme, oh, never mind, I have some, j'ai quelque chose sur le feu, là, genre. Ouais. Ok. Wow. Ouais. Fait que comme, ah, fuck, ouais, c'est ça, ah, oh, non, laisse faire, ouais, c'est ça. Un super dick. Alors, ça, ok, parfait. C'est une opportunité pour faire du prends money. Zéro damage. Puis je fais juste comme, puis je pogne mes legs là, puis je fais comme, ok, bye, je pogne mes legs, puis je suis comme, je me charge avant. Fait que théoriquement, toi ton caractère à partir de maintenant, il est in cover. Ouais. Tu pogneras pas de damage du tout. Okay. Si jamais tu veux aider des gens, tu peux. qu'est-ce que Cousteau fait? Cousteau qui essaie de donner l'alerte. Cousteau, il a déjà donné l'alerte, I guess. Ouais, il y a des mutants qui t'ont écouté, qui ont commencé à se cacher, le monde... Mm. J'imagine que parmi ces mutants-là, il y en a une couple qui panic mode. Ouais. Fait qu'eux autres, ils vont t'sais, donner l'alerte à l'autre monde vu qu'ils paniquent. Mon précieux solarium. Ouais. Je veux. J'allais préserver genre tout ce que je peux dedans. Ok. Parce que j'ai plein de plantes, c'est mes bros. Je vais te donner deux choix. Ok. En fait, je vais te donner deux choix. Tu peux soit rush pour aller à ton solarium pour essayer genre de comme. Tu sais, de sauver le stock qu'il y a dedans. Ou tu peux genre démolir genre un espèce de vendor cart, tu sais genre un petit stand quelqu'un qui vend genre whatever pour genre prendre son stock puis juste ouais. Tu peux you can either try to save your stuff or you can fuck someone else over to save your stuff. Oh. Tu sais quand quand je disais que. Est-ce que. Quand je disais que ce game-là, mon but, c'est tout le temps que comme les deux choix sont dégueulasses, là, c'est un petit peu ça que je veux dire. Est-ce que je regarde autour? Souvent, j'ai la chronicler à Syrah qui vient me faire chier quand je reviens de mes expéditions. Ouais. Quand je reviens de mes expéditions, genre, pis elle pull mes bandages. Je vois si elle est quelque part around. Sa maison est à quelque part around. Non, mais elle, elle, elle s'occupe du Elder, fait qu'elle est comme dans le tower. Fait que t'as genre par le hublot, elle regarde, pis elle est comme. Oh my god! Mais elle est pas proche, non. Crap. J'aurais volé genre le toit de sa maison, je serais parti avec. Fait que, ok, ben, je vais prendre le bout de tôle le plus à proximité. Parce que mon plan d'enfant, c'est de la porter comme. Ouais. Puis protéger mes plantes avec. Fait que je te dirais, si tu réussis un force roll, tu sauves ton stock. Y'a pas peur. Ok. Puis ça, je m'en fous si je fuck someone over. Ben c'est ça, parce que clairement tu voles quelque chose à quelqu'un d'autre. C'est bon. Tu sais genre tu fais ça, t'enlèves ça, pis y'a genre comme une famille qui huddle en dessous pis t'es comme à l'autre. Ça c'est le bout de fondation du new affaire. I warn you, that is my view. Fait que strength pis force? Ouais, sure. J'ai pas de force. Fait que c'est juste strength. Pis tu vois, vu que c'est une excellente idée, je te donne plus un. Parce que tu protèges genre ton den, tu protèges ton home là. Ouais, je protège ma famille. J'ai une réussite. Parfait, tu le fais. Sweet. Fait que tu protèges ton stock. Je vais te demander de choisir. En fait, je vais te donner le choix entre le brasser ou le choisir. Je veux un chiffre entre 1 à 3. Tu vas le brasser. 1. Ok. Nice. Je vais mettre un point d'exclamation, je vais comprendre. Ok, parfait. Cool. On vient de déterminer randomly qui tu viens de faire chier. Ça va revenir plus tard. Ouais, c'est ok. Ok, est-ce que Marl avait eu des succès pour son tantôt quand t'as roll ton move? Deux? Oui, j'avais eu deux succès. Fait que t'as aucun damage. Fait que comment est-ce que Marl fait pour se protéger du. Parce qu'il t'a découvert. Comment est-ce qu'il fait pour se protéger? Est-ce qu'il se cache quelque part? Est-ce qu'il fait juste comme prendre quelqu'un? Ou comme. Qu'est-ce qu'il fait qu'il évite tout ce damage-là? Est-ce qu'il dive? C'est quoi? C'est un trou. Mais oui! Il s'installe qu'il est dans le deck, genre, il y a rien à creuser. Non, mais regarde, mais non, mais c'est un super vieux porte-avions qui est tout décalisse. Fait que tu sais, il y a des trous là, des places. Là. Tu peux juste comme diver dans un trou. Là, ben, si t'as un fucking vieux porte-avions, je me dis qu'il y a de la scrap, alors j'essaie de faire un abri de scrap. Ok, genre. Fait que tu commences à te construire, genre, un espèce, genre, tu pognes une tombe, genre, tu te protèges avec. Vu que t'as eu combien de succès? Deux succès? T'as un succès de plus. Est-ce que tu veux l'utiliser pour être sûr de te protéger pour qu'il t'arrive rien? Ou tu veux ton succès pour aider quelqu'un d'autre? Tu veux-tu aider les gens autour de toi à se protéger du rain? Ou. Ben, je peux bien aider. S'il y a de la place pour quelqu'un, je peux bien venir. Ok, ouais. Fait genre, tu pognes d'autres monde qui courent comme tu sais, t'es prêt avec toi, puis genre, tu courais jusqu'à d'autres places. Puis là, fait que dans le fond, toi, t'es en train comme de sauver du monde sur le. C'est ça, right? Ou qu'est-ce que tu veux faire? J'écoute. C'est un nice display ça, à la Rocky parce qu'il est magané en fait. Ouais! Moi, je vais plus. En fait, si je me mets à l'abri pis il y a genre deux places, une ou deux places, il y a du monde qui peut venir à d'autres avec moi. Tu deviens un abri. Genre un aile d'avion comme ça. Oh! Le monde, il vient en dessous. C'est comme. Okay. Ouais, genre. On a déjà des photos. Nice. Ok. Moi, j'ai eu deux réussites aussi. Ouais, t'as eu deux réussites, fait une pour toi, puis une pour ce que tu veux. Doggy. Tu peux utiliser. Tu sais, il y a passé des stunts. One is to succeed, one is to stunt. Stunt, ce serait pour. C'est comme un avantage que tu peux soit utiliser pour toi, pour quelqu'un d'autre. C'est. Il y a le chaos partout. C'est narratif. Il y a un chien, hein, qui est comme. Exactement. C'est exactement ça. Il y a genre un puppy. Il faut que je finisse par faire la même chose que. Il y a un puppy, puis genre. Un des plus jeunes mutants, mais il a pas de jambes, tu sais, il est comme dans une espèce de, tu sais, les petites affaires des Indiens, là. Genre, il est comme une petite roulette, là, tu sais, genre, c'est genre un Kenny. Kenny. T'as le choix entre sauver Kenny ou un puppy. Je vais sauver un puppy. Ok, tu vas sauver le puppy. Ok. Genre, je le tiens en dessous de mon shit que je tiens à quatre bras, à trois bras, puis je le tiens pas pis à un bras. Avec quoi tu te protèges? Vole son skate. Avec un bout de tôle. Tout le monde court avec des tôles. Il y a vraiment beaucoup de tôles qui se collent apparemment dans la poitrine. C'est un bateau, là. J'imagine tout des genre un bout de truc à moitié rouillé. Ouais, il est caveman. En fait, moi, je suis plus dans le building d'appartement que dans. Après, genre, comme combien de acid rain, juste. En plus, je suis vraiment sûrement à mon abri, genre, avec un papier qui m'a l'air. Ok, ça, tu sais, le papier. Qui sont n'importe comment avec le temps, genre quand le métal se fait réutiliser. Ok, je vais te demander, soit choisir un à trois, plein de cochonneries par-dessus. Non, c'est ça, deux. Tout le monde est comme à l'abri en ce moment, il n'y a pas personne qui est à découvert. Tu sais, je dis que Cousteau a sauvé son stock, tu sais, genre il patch les affaires, genre frotte le monde en bas, tu sais. Il est up dans son solarium, puis il entend genre le monde qui sont comme help me! Puis il est comme non! Help gonna, yourself. It's gonna be okay, Jimmy. Puis en je fait, parle genre à fucking genre une fleur. Un bouchon. En fait, en fait, tu vois qu'il y a plein de monde que tu connais qui sont des gens qui vont au Church of the People. Okay. Qui sont comme une gang de slaves qui sont pas loin en bas genre de l'échelle qui mène à ton solarium. Okay. Okay? Puis là, dans le fond, pas de suite. Peux-tu remove l'échelle? Non, mais c'est exactement ça. Ils vont probablement monter pour essayer de venir se cacher. Est-ce que tu veux qu'ils viennent se cacher dans ton den, peut-être? Ou est-ce que tu remove l'échelle pour les empêcher de monter? Fuck. Ils sont combien? Ils sont... 6. Six. Je remove l'échelle. Tu veux mettre l'échelle? Ça va être. Peux-tu faire genre sneakily? Essayer d'être sneak pour pas. Sure, ouais, pourquoi pas? Genre, quand tu siffles en même temps, comment tu fais ça? Non, mais genre, comme personne ne check pour enlever l'échelle. Ok, sure. Ou genre, je fais semblant de panique, pis genre, je la knock. Ouais, oui. Je suis juste parti. Oui, tu peux, vas-y. Fait quelle sorte de move sneak? Sneak, sure. Ok. Fait, agility. J'adore comment tu représentes de faire la fête à chaque fois. C'est tout le temps le même soundbite pour n'importe quoi qui se passe. Genre, il rencontre son frère depuis full longtemps. Ou genre, il meurt. Hein, fait quoi? Tu l'enlèves avant que le monde arrive. Fait que tu y penses. Ah. Moi, je le vois plus comme il note les chats pis comme. Il check les gars dans les yeux. Genre, t'es comme. Parce que honnêtement, je vais donner un exemple. T'aurais pas réussi à s'arrêter, genre, fuck you. Kick l'échelle, puis le monde s'en serait rendu compte, puis tu sais, depuis tantôt, je demande de choisir, tu sais, au hasard. Ouais. Mais c'est pour savoir ces mutants-là sont dans quelle faction. Fait que tranquillement, vos actions commencent déjà à avoir des répercussions. Nice. Ok, fait que dans le fond, là, tout le monde est comme safe. Y a-tu. Voulez-vous juste rester safe ou aider d'autres gens ou. Ben, moi, dans le fond, j'ai quand même juste le goût d'aller m'assurer que Bertrand puis Merle sont corrects, genre. Ok, je vais essayer de. Dans le fond, toi, t'es dans un des escaliers qui descend sur un autre des decks. Il y a comme une porte, puis t'es comme caché dans le cadre de porte. Okay. Puis il y a d'autres mutants qui rentrent, tu checkes qu'est-ce qui se passe. Puis il y a genre Merle qui est une espèce de super badass en plein milieu, genre de la piste d'atterrissage, puis qui tient genre une aile d'avion. À bout de bras, puis comme. Puis tu sais, il y a genre plein de monde qui se cache en dessous, tu sais, t'es genre. Je sais pas ce qui vient de se passer. Tu sais, il a clairement été brûlé par la pluie à certaines places, mais il est genre. Puis il y a genre comme le petit Timmy là, qui est genre, tu comme une casquée, genre un. Je sais pas, qui est comme une. Tu sais, genre. Ok, lui, il a survécu finalement. Non, j'ai dit Timmy. Okay. Dans ma tête, il est genre habillé avec une. Comme, il est tout nu, mais juste une salopette. Puis genre, c'est un tout petit mutant avec une full grosse tête, pis genre une casquette de conducteur de train. Il est en 50 ans! Comme le football. Ouais. Comment il s'appelle déjà? Je sais pas. Mais en tout cas, il est caché en dessous de l'aile, pis il est comme, oh, thank you, world! Fait que ça, c'est qu'est-ce que toi tu vois. Pis Bertrand, il est juste. Burke, il est trop loin. Ouais, c'est ça, je sais pas qui. Ben en tout cas, là, moi, je vois ça. Là, je me dis, mais ça n'a pas d'allure, faut que j'aille l'aider. Fait que, genre, j'essaie de me trouver. J'essaie de me trouver comme un linge ou un. Ok, genre pour ta cover. Pas un linge, ou tu sais, comme je sais pas si. Y a du scrap. Quelque chose. J'aurais une suggestion à te faire. Y a-tu du scrap? Quoi? J'aurais une suggestion à te faire, mais non. Non, mais vas-y, tu peux. Tu peux, si tu veux, c'est... C'est narratif. J'allais dire, ça serait l'occasion parfaite pour que tu penses à aller faire un racket de protection de la pluie d'acide à cause que Marley tient ton les ailes. Puis genre, il est pas capable de vous charger en ce moment, mais il vous charge par personne. Marley m'a dit que si vous voulez de la place en dessous. Oh my god. Par contre, je vais te donner différentes options à ce moment-là. Tu peux. Fondre des parapluies. Tu peux juste comme essayer de scavenge. Tu peux essayer de scavenge pour trouver quelque chose pour te couvrir. Tu peux convaincre quelqu'un d'autre d'aller aider Marl. Which sounds in character. Ouais, ouais, ouais. Tu pourrais payer quelqu'un pour aller aider Marl. Mm-hmm. Oh, ce qui est moins in character. Tu pourrais juste prendre les rags que quelqu'un porte comme chandail pis t'en servir. Tu pourrais. Vu que tout le monde est en train de faire genre « Ah mon dieu, qu'est-ce qui se passe? » Tu pourrais genre run down sur d'autres decks puis comme aller dans les cabines où est-ce que les gens dorment d'habitude. Vu que là, ils sont tous occupés, tu pourrais faire je vais aller aux toilettes, je vais te laisser choisir. Pense comment tu... Pense qu'est-ce que tu veux faire. Il faut que je me garde l'idée que vous allez m'aider à maintenir le fil parce que j'ai quand même fumé, fait que je sens quand même que genre, c'est facile de comme, oublier qu'est-ce qui se passe. Yeah, c'est sûr. Ok, non, c'est ça. Okay. Fait que qu'est-ce que je peux faire? Mais dans le fond, je vais essayer. Ouais, je pense que je vais essayer de trouver comme le spotter. C'est comme la meilleure personne. La personne qui a genre le meilleur manteau dans le monde que je vois, genre dans, comme dans un range. Dans, okay. Dans un joint, un range. Tu veux bomber le manteau de quelqu'un? Ben, je veux trade. Genre, okay. Je vais essayer de faire un trade, mais comme. Tu sais, mais là, c'est ça, je sais pas. Tu vas envoyer une corde de quelqu'un, j'ai bien entendu. Je vais essayer de trouver. Je vais essayer de convaincre quelqu'un de You should really give me your shit. Non, non, mais je suis prête à lui offrir quelque chose. Je suis prête à lui offrir quelque chose. Veux-tu ce compte qui protège de la pluie contre 3 balles? Si elle est vraiment faim. Tu vois quelqu'un qui est fucking faim. Non, je suis parfaitement fin. C'est une bonne idée, fait que tu vas essayer de manipuler quelqu'un. Ouais. Ok, ben vas-y, go. Il y a un. Il y a genre un. Ok, c'est pas make a deal, hein? C'est manipulate. C'est manipulate, ouais. Une de mes nouvelles découvertes, c'est de la bière, mais faite avec genre de la levure de saké. Wow! C'est super nice. Ouais. C'est pas puissant, par contre? J'ai un et deux succès. Oh, t'as deux succès pis pas de fail. Mais j'ai deux fails, en fait. T'as deux fails, ok. Tu veux-tu me push? Non. Non? Tu veux pas le push? Ok, non. Fait que, gars, je vais te donner un exemple, ok? Ouais, mais si tu veux, tu peux éviter aussi. Tu peux prendre une gorgée dedans, là. Ça me dérange pas. Ok, fait que là, tu vois, t'as un succès. Fait que c'est sûr que tu l'as. Ton deuxième succès, tu peux le dépenser sur un stunt. Là, regarde sur ta petite liste. Il y a un haïku sur la. Ouais, il y a un haïku pour la bière. Ouais. Okay, c'est quoi la fin où tu dis un stunt? Regarde ta feuille de skill. C'est vrai? Non. La feuille où c'est comme les règles. Okay. Ok, t'as le skill manipulate. Faire une bière. Ouais. Faire un saké. Le voile est troublant. Ça me fait dire que ça compte tout de suite. Non, c'est ça compte pas tout de suite. Fait que t'aurais un stun à dépenser. Qu'est-ce que ça dit manipulate? Le failure ou le stun? Stunts. Extra 6 on roll mean you sow fear and doubt in your opponent's heart. Regarde, fait que là, en ce moment. Tu créerais un doubt de dommage chez la personne. Si tu re-roll, ça se peut que tu crées plus de doubt, puis que tu break down la personne, puis qu'elle va juste faire ce que tu as demandé. Okay. Ou, là, elle va accepter, mais il va falloir que tu lui donnes quelque chose en échange. Mm-hmm. Fait que, est-ce que tu veux prendre du damage pour peut-être pas avoir à payer, ou est-ce que tu veux payer pour? Il est pas mal, là. Ouf. Ouais. Je pense que. Surtout que t'as déjà des 1 dans le fond. Mm-hmm. T'as déjà 2-1. Ouais, j'ai déjà 2-1 là. C'est pour ça, c'est quand même risqué là. Parce que c'est vraiment. Tu vas genre. Va falloir que tu. Ça goûte le saké, c'est nice. C'est vraiment smooth. Ouais. What you want, you might start to dislike you or even c'est comme qu'il dit sur la bouteille, c'est comme boire une bière de vin blanc, genre. C'est pas une bière. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une bière, c'est. Super spécial. Une bière, c'est. Le bois, elle est trop blanc. Donc, qu'est-ce qui se cache tout le bois de la mer? Boire la niggerie. Est-ce que Philippe essaye de. Est-ce que tu vas push ton rôle pour essayer de convaincre la personne sans avoir à payer? Ou tu vas payer quelque chose en échange pour faire pour que la personne fasse ce que tu veux. Jeez. Là, j'ai pas le choix que tu sois un ou l'autre. Ça fait changement. C'est bon, hein, quand même. Mais tu sais, c'est de la, vu que c'est à base de saké, c'est de la bière à 8%. Ouh. Quand même. Mais il y a un haïku dessus. Donc. It's raining, people are dying, quick! I don't give a fuck. Panic. Mais je. Oh. Mais je l'ai tué avec ça? Oh oui, tu l'as! Je l'ai avec que, ça. Sauf que faut que tu payes quelque chose. Qu'est-ce que t'offres pour... Tu veux-tu que la personne te prête son compte ou qu'elle aille elle-même le faire? Mais en fait, c'est ça. Là, ouais. Là, en fait, je me dis que vu qu'elle est reluctant, en fait, je vais lui dire d'aller le faire à elle. Va chercher lui puis ramène-moi là. Si tu veux pas que je t'enlève ton compte, ben d'abord vas-y. Ok, fait que tu utilises ton deuxième succès pour pas avoir à payer dans le fond. Ouais, c'est ça, parce que c'est juste temporaire, tu sais. Fait qu'elle y va, puis elle est comme, ok. Mais ça se peut que ça revienne plus tard, ça. Mm-hmm. Je sais pas si tu veux. Ça se peut que la personne fasse comme, hey, tu sais, tantôt, là, quand je t'ai écouté, là, c'était de la fucking merde. Ok. Mais non, non, ça va bien aller, tu vas voir, ça va bien aller. Tu vas voir, ça brûle pas pour de vrai. Place off, puis elle est comme, oh, you lied to me! T'as remarqué mon sound effect? C'était comme la voix qui disparaît. C'est pas comme genre, no way, genre, I can't fuck out of here, là, continue à l'avoir. You fuck me! Fait que la pluie continue pendant très longtemps, puis je vais demander à Merle juste un autre jet, de soit de force ou de endure, celui que tu veux. Puis après ça, là, on a fini pour le rain. Ça va être force. Là, vu que j'ai 3 dommages, c'est des jets, c'est des dés que j'ai en moins. T'as 2 dés de moins. J'ai 3 dés de moins. T'as 3 dés de moins. T'as 2 puis 2. T'as 4 dés. Yeah. On va tous mourir. Oops, 1-1-1-1-4! Oh, no, I don't get it. C'est quoi tes forces que tu peux faire avec tes points de mutant? Je peux let rip Abyss on roar. Ça c'est cool. Ah non, attends, c'est pas vrai. Never give up. When you are broken by damage or fatigue, you can get up again and recover trauma point equal to MP spent. You will still suffer the effect of any critical injury. Yeah, regarde, non, mais je viens de penser à quelque chose. Chloé, t'avais réussi par 2 succès, hein. Ouais. Lance 2 dés additionnels, puisqu'il y a comme un dude qui arrive qui est comme Philippe, il told me to help! Fait que t'as déjà donné 2 dés de plus. Non, il aide pas du tout. Genre, ses bras sont pas assez longs pour toucher l'aile. Fait que c'est juste comme. Mais ça fait absolument rien. Je le vois vraiment pas comme un grand perso. Alors, c'est juste comme. There's a bunch of dwarves over here. Mais attends, c'est moi, never give up. Ouais. C'est quand t'es. C'est si t'es broken. By damage or fatigue, okay, okay. Je suis broken. Ah, ben regarde. On va faire ça, on fait ça. Ouais, fait que je vais juste te donner un damage de fatigue, c'est tout. Un de fatigue, pas de damage, un fatigue. Ok. Parce que genre, t'es là pendant comme 2 heures à tenir. Ouais. Fait que finalement, y a-tu quelqu'un qui veut faire d'autres choses? Ouais, c'est correct. Moi, pendant tout ce temps-là, je peux prendre une sieste avec les dogs. Tout tu chill, tout ça va bien. Je suis rendu chez nous, puis je dors avec les pitous. T'es comme, moi, sucks to be those guys, puis genre du monde se fait WOOOOOO! Puis tombe en bas du porte-avions. Non, j'ai fermé ma porte, là, j'ai rien entendu ce qui se passe. Je suis dans avec mon dog, pis le petit chiot que j'ai sauvé. C'est comme The Sound of the Rain is so relaxing. Tu joues du ukulélé. Non, je récupère mon wits. Ok, ouais. Je fais une sieste avec les chiots. Over the rainbow. Parfait. parfait. Ok. Fait que finalement, la pluie finit. Ça laisse des puddles rouillés un petit peu partout. Plein de monde est brûlé. Il n'y a pas l'air d'avoir de mort, mais il y a comme beaucoup de damage qui a été fait. Puis. Kenny, est-tu mort? Non, il est pas mort. Okay. Il y a personne qui est mort, mais il y a bien du monde de blessé. Mais il est vraiment genre fucking not good looking. Okay. Et comme you! les projects que vous avez commencé sont quand même, tu sais, sont pas trop damage, ils ont pas perdu de points, y a pas rien de trop important qui a l'air détruit. Y a une couple. Les bâches avec l'eau. Y a beaucoup des rain catchers, c'est ça, qui sont comme faites en plastique, ça a quand même fait des trous dedans, mais ça reste que, tu sais, trouver d'autres bâches, ça devrait pas être trop difficile. Ou les bâches. C'est ça, c'est quand même assez basic comme système d'eau, fait que c'est pas si pire que ça. Fait que dans le aftermath, là, c'est comme là, le monde commence à sortir, fait genre, oh shit, ok, I think the rain's over. What is everyone doing? You're just. C'est en calice. Ouais, moi, je vais me nurse back to health comme je peux. Parfait. Ce que tu peux faire, je vais te donner deux choix. Soit que tu guéris 2 points de ce que tu veux, ou sinon, tu fais toi-même ton heal. Mais dans le fond, c'est que ton heal, ça se peut que tu l'aides pas, ça se peut que tu aies besoin d'une push. Je te donne 2 points assurés ou. Puis le heal, c'est combien? C'est un. C'est un par succès, je pense. Je prendrais. Puis 2 points où est-ce que je veux? Ouais. Tu pourrais un de fatigue, un de. Un de force puis un de wits, en fait. Juste pour pas être broken en wits. Fait que dans le fond, tu t'en vas genre. Tu t'en vas comme t'asseoir dans un coin pis t'es comme. Holy shit, that was intense. I beat that guy for nothing. Oui, c'est excellent. Après dans 2 heures, genre. Après tout ça, là, l'importance, c'est pas la pluie d'acide. Genre, t'as plein de grosses brûlures, pis t'es comme. Ouais, peut-être que beat ce gars-là, c'était pas la même. Très après le gros selfless act avec l'air d'avion. Alright, le dude qui est en train de. Oui, il était crumble à terre. Le dude dans le tunnel d'avion, genre, le dude qui s'est fait beat up. Nice, ok. What about Cousteau? Il a sauvé toutes ses plantes. Yes! Mais il y a du monde en bas qui ont clairement été hurt parce que, genre, il a enlevé son échelle, mais comme, ils ont pas remarqué. Ok. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'ils ont pas pensé juste à remettre l'échelle. Comme ça, il l'a retiré, mais juste un peu pas au complet. Tu sais, comme il a juste trop. Je pensais qu'il l'avait poussé. Je pensais qu'il l'avait poussé. Okay. Juste assez haut, je crois qu'il s'en va. Ton plafond, 10 pieds. What does Cousteau do? Il est quelle heure, là, en ce moment? On n'a pas de sundial. On est en. Mettons, il est comme 1h d'après-midi. Oh! On n'a pas de sundial. On sait pas. Genre, le soleil est à cette hauteur. Ah, ok, le soleil est à cette hauteur. Il est quand même le long du plateau, il est rendu là, supportable. Ok. C'est-tu le temps de repartir dans la zone, juste explorer, genre, le truc à côté? Toi, tu voudrais juste faire fuck off, pis genre, juste marcher à travers, genre, le. Ah, c'est vrai, il y a plein d'acid pools, de shit. Non, mais tu peux si tu veux. Parce que j'ai pas utilisé, moi, je suis fresh, genre, j'ai pas utilisé rien. Peut-être que je pourrais. Tu pourrais aider à genre à réparer des trucs, à rebuild, à faire oh, are you okay? Oh, ouais, you're burned? Oh, that's so bad! I'm so sorry! Est-ce qu'il y a une autre manière de heal les gens à part juste. Non, mais tu pourrais descendre de ton solarium puis manipuler les gens pour leur donner l'impression que t'as aidé, être comme. Genre. Donner l'impression que tu fais quelque chose de const. T'as pas fuck over tout le monde là. Je pourrais manipuler quelqu'un à essayer à heal. Tu manipules quelqu'un pour lui faire croire que tu l'aides, mais dans le fond tout ce que tu fais c'est le manipuler pour lui faire croire que tu l'aides. You could make yourself look good. Tu sais, faire tout le monde comme look, I'm helping an old lady. Tu sais, quand il y a 30 secondes de fuck tout le monde se retourne pis la mienne est morte, genre. Tu pourrais rest, tu pourrais assess the damage, tu pourrais. Moi je pourrais heal. Oui, c'est vrai. En fait, okay. Oui, il n'y a pas de problème. C'était quoi l'autre affaire que je pensais? Ça, c'est une excellente idée en fait. Je suis ça même. C'est du PR, man. C'est comme genre. I got this! Bienvenue au jet sous l'aile. En fait, Claude, ce que tu pourrais faire aussi, si tu fais ou. C'est quoi, c'est make a deal? Make a deal? Moi, je vais te suggérer. Tu pourrais rouler make a deal, pour comme c'était ouais, genre une espèce de first aid station, genre, oh, vous êtes brûlé, on va vous aider, mais faut que ça coûte quelque chose, tu sais, pour. Tu pourrais faire de l'argent. Ok. Tu pourrais healer du monde. Tu pourrais healer, tu pourrais soit healer Marl ou juste healer comme la population générale. Il y en a un qui va faire que la population va plus t'aimer. Il y en a un qui va faire du cash. Parce que genre tu vas comme vendre ton first aid. Ouais, ouais, ouais. Ou sinon tu peux heal Marl. Ah c'est un ou l'autre? Ouais. Shit. Tu sais quand je disais que je vais faire de mon possible pour que tous les choix soient des choix de marde. Mm. Heal, hein? Il manque une page. Je pense qu'il me manque une page. Je vais l'enlever. Parce que, ok, les choix que j'ai donnés à Chloé, c'est de make a deal. Elle peut genre setter comme un first aid station puis charger les gens pour se faire heal. Elle peut healer les gens qui sont comme blessés comme gratuitement. Ou elle peut aller healer Marl puis that's it. T'sais, en ce moment, si Marl c'est ton buddy, je te dirais va healer Marl. Ouais, non, c'est ça. C'est sûr. Ou tu pourrais juste, t'sais. Ou si l'affaire c'est que, t'sais, si tu fuck tout le monde, on veut. Théoriquement, ça compte comme tu poursuis ton big dream. Si je fuck tout le monde, on veut. Ouais, si tu set un first aid station payant. Si je le vends, ouais, absolument. Mais c'est pour ça que j'y pense, puis je tends plus vers ça, honnêtement. Ben, je sais que j'ai tendance à avoir mauvaise réputation des fois parce que justement, tu sais, je pars de deal, tu sais, comme tantôt, comment j'ai délaissé le gars, genre, qui est comme avant la pluie, tu sais, je suis comme, ah, whatever, tu sais, juste je m'en crisse, là, puis c'est juste des espèces de pions, tu sais, sauf qu'après ça, quand vient le temps, tu sais, que tu t'enfuis, puis tu ditches un gars, le gars, il s'en rappelle, puis il dit à d'autres mondes, fait que ça se fait mauvaise réputation, fait qu'une fois de temps en temps, faut que tu clean ton image. You left me for dead! Ça, c'est fou! Tu vas l'aider quand, en plus, il te hate! Oh! Oh, ça c'est. En fait, j'imagine que j'aide, mais c'est même pas marqué, genre, comme une relation comme ça. C'est juste comme. I noticed it and I remember. C'est vrai, tu vas avoir une attitude défaitiste pour faire comme. Non, you left me for dead, it's okay. Mais genre, la question... je comprends que t'aurais rien pu faire, mais c'est quand même un move de dick, genre. Tu es tout le temps en pleine face. Mais genre, qu'est-ce que j'allais dire, mais comme, mettons, si je décide de heal la population, est-ce que j'ai déjà offert à Marl, tu sais, genre de mais c'est juste que c'est soit tu t'occupes de ses wounds, soit tu t'occupes de ses wounds à lui qui sont comme plus élaborés puis genre qui ont besoin d'un special mole rat healing, ou tu t'occupes de la population en général. Non, je m'occupe de la population, man. Ok. Ouais. Parfait. Fait que tu veux le heal. Je veux le heal. I will lick my mole wounds. J'ai un 6. Ok, est-ce que tu veux push ton rôle? J'ai un 1. C'est. Ok. Heal, c'est quelle catégorie? Heal, c'est empathy. Tu peux push ton rôle si tu veux. Ouais, mais je peux. Parce qu'en fait, empathy, j'ai quand même 5. Tu push ton rôle? Ok. Tu peux vraiment ça. Ouh! T'as un plus qu'un 6 de plus. Ouais. Ok, fait que. Tu vas prendre 2 de dommages dans ton empathy. Dans mon empathy. Voici 2 mutation points de plus. Ton 6, est-ce que tu veux augmenter ta réputation? Genre, comme t'aides vraiment les gens, là. Genre, vraiment plus. Ou est-ce que tu veux healer 1 point sur Marl? Non, c'est ou, les gens. Ou les gens. Quelqu'un est comme. Ah, moi je suis plus. Il y a quelqu'un qui est plus blessé, tu sais. Comme, faudrait que tu viennes les aider, pis t'es comme, ah, mais I've got many things to do. Ils sont comme, I'll give you a bullet. A bullet? I can have many. Non. I'll give you 2 bullets. You keep counting up, and I might accept. Est-ce que tu veux 2 bullets, aider la population de plus ou aller aider Marl? Ouais. Mais. Je vais avoir la meilleure réplique que Philippe pourrait dire. How many fingers does your friend have? 2. He's called Two Finger Larry. Il y a juste un index sur chaque main. Mais tu sais, comme, il y a juste comme un gros, non, il y a juste deux majeurs, mais juste comme un gros majeur. C'est genre un gros fucking. C'est juste, il y a juste, dans le fond, il y a juste deux tentacules. Avec un long. Est-ce que tu veux plus aider la population? Ouais. Pour conquérir les insectes. Ou est-ce que tu veux aider? Parce que t'as deux succès. Il y en a un qui réussit. L'autre, faut que tu le dépenses pour comme augmenter ton succès. Mm. Est-ce que tu veux le dépenser pour aider plus de monde? Est-ce que tu veux le dépenser pour healer lui de un damage? Ou est-ce que tu veux le dépenser pour aller healer quelqu'un qui va te payer deux bullets? Big shot. Big shot bullet. Mais la fin, c'est que ce que je trouve difficile, c'est que là, en ce moment, j'ai aucune idée c'est quoi le coût de bullets, de l'eau, des rations. Tu sais, qu'est-ce que ça vaut? Un égale un, là. Pour l'instant, c'est un pour un. Oh! OK. Fait que deux bullets. Puis quelque chose qui est plus comme un scrap gun. C'est je vais te donner un exemple. Yeah, ouais, mettons pour un. Attends, tu peux-tu mettre ça dans les. Oui, c'est une. Très bon exemple. Mettons, regarde, tu dis un scrap gun, un scrap rifle, je suis sur ma page. Un scrap rifle, c'est 4 bullets que ça coûte. Un scrap pistol, c'est 3 bullets. Un crossbow, c'est 3 bullets. Un bow, c'est une. Nice. Je vais te donner un exemple. Tu veux acheter des binoculars, des scrap binoculars, c'est 3 bullets. Pots and pans! Tu sais, genre pour faire de la bouffe dans une zone, c'est deux bullets. T'as trainé ses pots and pans. Tu veux acheter genre une bonne paire de bottes? C'est un bullet. Non, mais là, on sait pas qu'est-ce qu'on a non plus. T'as rien. On a rien. T'as littéral. You do not have boots. J'ai juste raté ration pis de l'eau. Genre t'as des pants pis des shirts. Genre t'as des vieilles sandales. Non! Non, la seule chose qui a survécu l'apocalypse, c'est des Crocs. J'ai-tu? Tout le monde a des Crocs. Oh, bandages, raincoat. Un sueur de j'ai des combat boots. C'est drôle. Ah, j'ai oublié. De quoi? Bon, pour me promener dans la zone, j'ai des combat boots. En ce moment, pour l'instant, du clean water, c'est une demi-bullet. C'est deux bullets. C'est une bullet clean pour water. Deux water, mettons. Fait que tu veux-tu... You want bullets? You want a better reputation? Or do you want to help someone who might be your friend? Non, sais-tu quoi? Je vais y aller encore avec la reputation. Alright. Ouais, je vais y aller pour ça. Ouais. Je vais aller à appease le cœur des gens. Là. Je vais genre aider. Toi, tu whatever, vas aider aussi après, ok? Le Marley Resta. Rouler Kenny, genre. Yes! J'ai fini de me réveiller parce que j'ai pris une sieste pendant la pluie pour me heal de mon wit. Ok, parfait. Ouais? Puis après la pluie, dans le fond, je m'en vais me promener aux gens qui ont l'air de chercher les gens, puis je leur propose d'essayer de les aider de trouver les gens avec l'aide de mon chien. Ah, ok. Si vous avez de quoi de eux, je peux essayer de les track pour vous avec mon dog. Fait que dans le fond, d'habitude, ça serait scout, mais vu que t'as un chien, ça va être sick a dog. Exact. Ok, parfait, ouais. Fait que toi aussi, t'augmentes ta réputation. Moi, c'est mon wit, par exemple. Fait que y'a-tu comme des trucs que ça, c'est toi qui keep track? Je keep track. Ok. Si jamais j'oublie quelque chose que vous avez fait, sentez-vous à l'aise de le bring it up. Tu sais, mettons que genre, y'a un mob qui est à veille de genre de lynch, tu peux dire But I helped you when the rain! Le monde va être comme Ah, ok. Sentez-vous à l'aise. Exactement. C'est un investissement là-dedans. C'est un get out of jail. J'ai juste arraché les ongles aujourd'hui. Mais ça, c'est parce que Marl, c'est une personne, mais okay. Ça peut essayer. Il y a une personne qui peut le push. Tu le push avec 3 succès. Okay. Okay. Mon Dieu. Okay. Okay. Fait 4 succès, puis un fail. Un fail. Fait que tu prends t'as un mutation point. Yeah! Dans background, je joue de la flûte. Oh, mais c'est ça, c'est la toune de Starker. C'est la toune de Starker, c'est la toune thème. C'est le theme song de Max Cousteau. Nice! Ok, ben, wow! Fait que t'as eu 3 succès. Bravo! Soit que t'as une méga bonne réputation, ou je te donne 1d6 d'une ressource que tu veux. Mmh. Que le monde sont genre. genre, ah, you found my wife. Genre, voici des bullets ou de la bouffe ou de l'eau ou even booze. If you want booze, I'll give you booze. Holy shit. Le booze, tu peux t'en servir. Premièrement, tu peux faire des cocktails Molotov avec. Okay. C'est un flaming weapon. Tu peux t'en... Il y a des, certains weapons, il y a certains artefacts que tu peux fueler avec ça. Genre, si tu trouves un char, tu peux mettre du booze dedans pour le faire. Ça donne une idée du genre de booze que c'est. Ou, tu peux t'en servir que si tu bois une dose de boost, de booze, tu... Je pense que tu perds un de wits, puis tu gagnes un damage. Tu heal un damage, puis un d'empathy, je pense. Ok, oh, that's cool. Tu peux comme trader, tu peux genre te pacter. Tu bois, tu perds un de wits, tu gagnes un d'empathy, puis un de strength. Quand t'es pacté. Okay. Yeah. Juste la stat au complet, ok. Pas ouais. Que tu heal genre. Non, mais si tu healerais, tu sais, mettons que t'es déjà à ton max, tu vas pas aller beyond ton max. Ok. Sais-tu quoi? Fuck ça. Oui. House rules. House rules. Tu peux get fucking hammered. Set the strength. J'adore qu'à chaque fois qu'il y a un fight, tout le monde va être sous mort. J'ai de wits. Sauf que ça va durer pour un temps random. On va rouler un dé pis on dira genre dans 1d6 tu perds whatever. Fait que est-ce que tu veux des... Tu veux-tu augmenter ta réputation through the roof? Ou est-ce que tu veux des bullets? Du grub? Du water? Ou du booze? C'est un des quatre là. You get paid! You get paid cause that's what motherfuckers do, they get paid. Considérant mais... que genre tout le monde a aidé sauf c'est toi. Ça, c'est ça que j'allais dire! C'est ça que j'allais dire, que c'est juste comme il y a une super bonne réputation pis il était juste genre blotti dans sa tente. Non, c'est ça, mais il y a un super chien! Fait que 1 des 6 de bullets. Puis tout le monde aime son chien, genre. C'est vrai, t'as sauvé un chien. Cinq bullets! Ooh. Wow! Ça, c'est beaucoup, là. Nice. You just made the whole thing. Alright! C'était fait un scrap gun. Je peux commencer à penser à utiliser mon scrap rifle comme un fucking gun. Je mets des balles dedans! Oh shit, that's right! Clunk! Fait que là, tout le monde fait ça, tout le monde back à ses occupations. People are picking up the pieces. Vous êtes habitué, tu sais, votre vie c'est de la merde en général. Vous êtes habitué de reconstruire à partir de rien, tu sais. Puis, sauf que là, tout d'un coup, il y a Pontiac. Pontiac, c'est le gearhead principal. C'est le gars qui j'allais dire, qui run la technologie sur le ship, mais il n'y pas vraiment de tech. C'est le gars qui fait le booze. Okay. C'est lui qui fait le booze artisanal. He makes bullets, he repairs stuff. C'est genre le main, genre tech guy. Puis là, vous remarquez, tout le monde remarque comme, tu sais, il arrive sur le deck, puis il s'en va tout de suite parler avec Marlotte. Puis là, tu sais, ils jasent, puis ils regardent alentour d'eux autres, puis ils ont l'air de comme, pas de manigancer, mais est-ce qu'il y a du monde qui ont sense emotion en trained, qui ont des points dedans? Oui. Toi, ouais? Non, pas moi. Non, c'est vrai que tu l'as changé. Ouais. Non, j'ai pas d'empathie. J'ai pas d'empathie. On a bien vu ça. J'ai un. T'as un? Oui. L'amour pour la vie. Pour Pontiac a l'air super inquiet. Puis Marlotte, tu sais que ça c'est juste de loin, t'entends pas ce qu'ils disent, mais Pontiac a l'air super inquiet, super stressé, genre comme something's going down. Puis Marlotte, elle a l'air comme, du coup, elle est comme, fuck. Elle a l'air pas, ben comme inquiète, genre hold that, Chris. Puis là, tout d'un coup, elle devient super déterminée. Okay. Puis là, les deux commencent à comme s'en aller pour descendre. Do you want to do something or you just keep doing what you do? Y a-tu moyen que je m'approche sans genre sans comme être vu par eux? Ok, fait que tu veux comme écouter la fin de leur conversation. Ok, ouais, vas-y, tu peux faire stealth si tu veux t'approcher. J'ai stealth. J'ai un sneak. T'as un sneak? Ouais. Let's go. Mais j'ai. Avec ton agilité. J'ai quand même 4 là. Non. Est-ce que tu veux push ton roll? J'ai déjà un. C'est agilité. C'est ça que je trouve nice de ce jeu-là, c'est qu'à chaque fois c'est comme qu'est-ce que t'es prêt à comme give up pour ouais, ce seed là pour cette action-là. Fait que tu commences à t'approcher puis là comme tu sais Marlotte est super alerte. She turns around, she looks at you dead in your eyes and she's dead serious. Puis là, t'as comme un flashback, genre, comme au putsch. Où est-ce que t'as genre Marlotte qui est genre rentré, genre, de comme tuer quelqu'un avec genre une bouteille cassée, genre en stabant dans la gorge. Puis t'es comme, yeah, ok, yeah, never mind. I don't really need to hear what you're saying. Ah, puis en passant, Marlotte, oui, c'est la leader du Legion, puis elle est habillée en. Elle porte tout le temps un wetsuit. Okay. C'est comme un suit, genre super, comme moulant, ce genre de divers. Parce que tout le monde sait ça, tout le monde connaît Marlotte. Marlotte, sa mutation, c'est qu'elle est amphibienne. Ok. Fait que c'est ça son deal. Okay. Fait que sa petite gang, c'est genre le scuba diver. Ouais, ouais, c'est genre tout des amphibiens ou des insectes ou des reptiles. Fait que you don't wanna fuck with Marlotte s'il y a de l'eau alentour, là. Comme, c'est pas une bonne idée, là. Ça fait un peu un petit vibe Batman des années 70, là. Genre, les gars qui arrivent avec leur petit soupe, là. Fait que, oh oui, pis elle a plein de petites dents. C'est une tout petite dent, là, comme plein de. Ouais, c'est ça. Yeah. Elle a un fish mouth. Elle a un fish mouth. She's gross. Everyone's gross. Sur la marque, tout le monde est gross. Mais, comme, mettons, est-ce que, genre, je sais un peu, c'est quoi, comme, en ce moment, la relation que j'ai avec Marlotte? Tu sais, comme, j'ai-tu déjà parlé, là? Est-ce que t'as-tu une relation avec dans tes trucs spéciaux? Non. C'est neutre. Ok. Je dirais, tu sais, c'est comme, she doesn't hate you. Tu as peut-être déjà vendu du stock, elle t'a peut-être déjà donné des affaires. Mm-hmm. Vous parlez des fois, mais comme you're not friends, mais tu sais, c'est comme, c'est très neutre. Mm-hmm. Pontiax, il a tendance à être plus affilié avec le Legion, okay, en général, mais. Mais c'est donc ils sont dans la même gang, là. Ben, il est pas dans leur gang. Pontiax fait pas partie, okay, du Legion. Mais c'est un associé, là. Mais tu sais, comme, il y avait le choix entre. Il y a quelque chose qui se passe. Mm-hmm. Pontiax a choisi d'aller voir Marlotte, ouais, en premier. Ouais. Fait que déjà ça devrait comme, ouais, dire, ouais, de quoi. Tout à fait, t'sais. Tout à fait. So yeah, they both go down. Pontiac, c'est qui ça? C'est le c'est genre le tech guy. Okay. C'est le main gearhead. Okay. C'est Hackerman. The most powerful hacker of all time. So they go downstairs. Well, they go down on some other deck. Some time passes, everyone's doing their stuff. Puis là, à un moment donné, there's shouting coming from the lower decks. People are arguing, people are shouting. And then, je vais attendre Max Cousteau. And then the boat explodes. The game is over. Flip table. Let's play us something else. No, you have to scrape in the land. With all your legs. We're the First Nation. You can hear people screaming. Everyone stops doing what they're doing. They're listening. Everyone's a little worried. Parce que c'est rare qu'il y ait du monde qui se crie après sur le arc. Ok. Fait qu'il y a du monde, il y a vraiment du heavy scream. There's some sort of scuffle going on. Ok. On entend genre de la furniture qui move. Well, the last time I heard that, there's my buzz screaming. And then there's a gunshot. And then everyone is kind of. Ça arrive pas d'habitude dans l'arc. Gunshots on the arc, bullets. Someone is shooting money, ouais, littéralement. Fait que. Y'a du shit qui est real, là. What do you guys do? Y'a un gunshot qui arrive des lower levels. I go see! Toi, you run downstairs? Save the day. Okay. But what if something happened to Marlotte? Exactement. So Marles, fait que Marles, il court, il pousse le monde, genre, he pushes a child, he kicks an orphan, il lance une vieille madame. Tu vas pas le cradle. On le voit, tu passes par là. Ouais, tu le vois, genre, un petit genre. Non, mais t'es rendu là, tu peux être plus proche. Fait on va commencer avec Marles, vu que c'est Loïc qui a décidé en premier ce qu'il faisait. Fait que Marles, il court en bas, il arrive, il y a un gros crowd de mutants de plusieurs factions, sauf du Legion. Son gather. There's a mutant qui est comme en petite boule, qui est genre ah, oh, pis qui saigne par terre, genre il a été gutshot par quelqu'un. Il y a un vieux pipe juste par terre, pas loin de lui. Puis devant une porte que tu réalises qui est la porte qui mène au. Où est-ce qu'il y a votre espèce de machine pour purifier l'eau? Il y a Marlotte qui est là, pis il y a une coupe du monde du Legion. Puis Marlotte est pareil, genre de reloader comme un revolver, là, avec une autre balle dedans. What do you want to do? Il y a clairement quelque chose qui s'est passé. Le Legion. Le gars qui est gunshot par terre, c'est du Legion? Non, c'est juste un mutant quelconque. Ok. Il y avait un pipe, apparemment. Il y a un pipe pas loin. Est-ce qu'il y avait un pipe ou le pipe était déjà là? Who knows? Pour l'instant, on regarde parce que je me dis, il y a un petit crowd. Puis il y a le Legion qui a l'air de comme d'empêcher les gens de rentrer où est-ce qu'il y a votre truc de purification d'eau. Ouais. Puis il y a comme Pontiac, qui est le gearhead avec, qui parlait avec Marlotte tantôt, qui est comme entre la. Qui, donc, dans le fond, qui se tient avec le Legion, puis qui a l'air un petit peu stressé, qui a l'air d'être comme. Je lui demande si elle a besoin d'aide. Yeah! We always need help. We always need soldiers. Fait que. Tu veux-tu aider Marlotte? Ouais. Ouais, ok, parfait. T'as-tu ton axe avec toi ou quoi? Ouais. Okay. Toujours. Qu'est-ce que tu fais? T'es... Parce que j'ai rien. Il y a le crowd. Est-ce que tu fais juste te tenir avec le Legion ou tu fais quelque chose de plus proactif? Non, je fais juste me ramasser de leur side. Tu fais genre tranquillement. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Okay, on est large. Okay. We're ugly and large. Parfait. Genre que t'as aucune idée qu'est-ce qui se passe. T'es comme, you need help. Yeah, okay. No questions asked. You fed me grub. Suite. J'avais même plus de dents pour mâcher. Tu m'as fait comme un mama bird. Elle l'a masqué pis elle t'a vomi dans la bouche là. Là j'ai comme l'image genre d'une grenouille qui nourrit un mole rat. C'est vraiment pas nice. Qu'est-ce que les autres gens font? Vous avez entendu le coup de feu, il y a un commotion. Moi je me sneak et les dirige vers le coup de feu. Ok, you wanna roll stealth? On l'a tout entendu. Oh, oui, c'est clair. Parce que c'était pas un scrap rifle ou rien. You realize that Marlotte actually has an artifact. She has a revolver, which is super fucking dangerous. Okay. Parce que tout le monde, toutes les guns, toutes les scrap rifles, c'est des breech loaders. C'est une balle à la fois. Pow, reload. Pow, reload. Elle a 6 balles dans son gun. That's some serious shit. Là. Puis, tu genre, admettons, je sais pas si on le sait, mais y a-tu des modifications de dommages? Oui, admettons. Définitivement. Les artefacts sont toujours meilleurs que okay, ouais. En général. J'ai push mon roll. Mon dieu! Oh mon dieu! Ok. What? Mon dieu. You become a shadow. Genre, s'il pleuvait, genre, tu marcherais entre les raindrops. C'est genre, that's how fucking stealthy you are. You are comme part of the night. You are tonight. Comme, moi aussi, en ce moment, genre, Bertrand is not Bertrand. Bertrand is Batman. Il peut juste. Bertrand. À partir de maintenant, tu peux apparaître quelque part pour le reste de la scène. Show yourself. Tu veux être là, t'es là. Point. Je suis dans l'environnement pour l'instant. Non, non, mais on ne sait pas. C'est ça. T'es quelque part. Je suis quelque part. T'es quelque part. Tu sais, genre, des fois, comme la caméra, elle change d'angle de vue, pis c'est ton POV, pis c'est comme. C'est un POV qui fait aucun sens pour la scène. T'es genre, comme dans le toit. À l'envers. T'es à l'envers. Ah, j'ai 4 bras, je peux climb. Oui. T'es genre une espèce de. Oui, t'es. Ah. J'ai d'avoir l'image en espèce de tarentule qui porte un hoodie qui est comme. Sur le plafond. Il y a un chien qui sait pour dépenser un point pour pas avoir besoin de faire. Ah non, mais moi, je te donne, t'as tellement de succès là que genre, you have all the successes. C'est ridicule ça, j'excuse. Moi, mon idée de mettre des points aussi, c'est que. Ça, c'est un crit success, on va dire. Okay? Parce qu'il disait que ses bras, genre, il utilisait pas s'il y avait pas de mutation, alors je voyais juste comme Max avec genre 2 bras lèmes sur le côté, genre, et 2 bras. Genre. Qu'est-ce que Philippe fait? Mais en fait, je vais pas me mettre où ce qu'il y a cette action-là. Je vais par contre. Comme, qu'est-ce que je. Attends, oui, je vais essayer. Est-ce que Yassan, il y a des chances d'être quelque part dans le bas? Ouais, sûr. Il est pas dans le crowd, il est un petit peu plus loin. Tu sais, c'est dans. Tu sais, vu que c'est comme à l'intérieur, dans un portail, c'est comme un long couloir, tu sais, tout le monde est comme. C'est vraiment rempli. Il est comme un petit peu plus loin. T'sais, il est pas à l'intérieur du crowd, tu sais, regarde ce qui se passe. Mais tu sais, Yassan, il est un petit peu mal à l'aise avec les gens en général. Il a tendance à se tenir plus en retrait. Fait que tu sais, il regarde. Mais il est comme. On dirait qu'il a l'air d'avoir envie de faire quelque chose, mais en même temps, il veut pas trop interagir. Et... Oui, il est là. Ok. Mais je vais aller le voir. Genre, okay. Je vais aller voir comment il va. Puis je vais lui demander, genre, qu'est-ce qui s'est passé de son côté. Tu sais, comme dans le fond, je sais qu'il y a, okay. Comme, il y a Marlotte, mais comme moi, je veux pas de l'action. Fait que je veux juste, comme je vais aller voir les gens que. Ok, fait que tu vas voir Yassine. Ouais, je vais voir Yassine. Well, I just got here, but apparently, there's something wrong with the water filtration. Pontiac said that something like the rain got in, like bad rain, and then like Marlotte said, well, we're like people are gonna want water, so we're gonna have to protect water, cause, and then the guy said, give us the water, we need the water, and she said no, and so he took a pipe, and then she shot him. Ah, oh, mais coudonc, c'est spécial, hein? J'ai pas entendu parler de ça pantoute. Écoute, so that's what happened. Are you okay? Ah, oui, c'est... sais, c'est quand même... c'est difficile de voir tout le monde, mais, là, puis j'ai mais, des... mais qu'est-ce qu'on va faire pour l'eau? Qu'est-ce qui arrive s'il n'y a plus d'eau? Qu'est-ce qui arrive si on peut boire d'eau? As-tu de l'eau? Ben oui, j'ai de l'eau si tu veux. Ça me dérange pas de t'en vendre si tu veux, si t'as besoin de ça, là. Ah, mais j'ai pas grand-chose. J'avais une expédition, j'ai tout dépensé ce que j'avais pour faire ça, puis... Mais tu sais, je veux dire, c'est correct, si tu peux pas m'en donner, je comprends ça, là, c'est vraiment... Tu sais, je vais en trouver au Père Alain, là, j'irai, puis... Est-ce que tu veux lui donner de l'eau ou est-ce que tu veux lui vendre de l'eau? J'adore le moment d'hésitation, là. Je vais y donner de l'eau si il m'achète de la bouffe. Fait que tu vas y vendre de l'eau là. Non mais genre. Contre quoi tu veux trade, right? Ouais. Contre quoi tu veux trade? Tu veux trade contre du grub, des bullets, du booze? J'avoue que j'ai pas de booze. One day in the future, I will call for you. I don't tell you why, but I will need your help. Ooh, tu peux trade pour un favor. C'est vrai, il a raison. De quoi? Ouais, c'est ça que tu disais. Tu peux trade contre un future favor? Ouais. Non, je pense que oui, ça c'est une bonne idée. J'essaie de... Fait que tu veux trade de l'eau? tu sais que l'eau, il y en a plus beaucoup. Ouais, non, je sais que c'est... You gonna trade water? Je sais que c'est... En fait, ouais. Ça fait pas de sens, en fait. Non, mais oui, mais je veux dire, c'est... Mais c'est lui. So he's a character you want to help. Ouais. Mais you want to help him? You want to protect. C'est qui ce gars-là? Yassin, c'est un stalker. You want to protect. Lui, mais lui, il est pas du genre de personne. Non, il est super socially awkward. C'est un super bon stalker, mais il a comme aucune compétence sociale. Okay. Point. Mais regarde, je disais, je te donne de l'eau là parce que on le sait que. Ouais. Le fait que ça soit des tokens, je trouve que ça reste encore plus difficile. Mais c'est aussi le fait c'est que j'ai. C'est physique, j'ai juste... t'es comme. C'est aussi que j'ai juste 4 d'eau, j'en ai vraiment pas tant que ça. Ouais. Là, tu sais, je veux dire, est-ce que vous avez de l'eau, vous autres? J'ai 2 d'eau. Ah, j'ai 8 d'eau. Honnêtement, pendant une seconde, j'étais comme, soit que le mec il va dire, ou il va juste faire comme, pis il va les tasser, genre, j'ai 2! J'y ai tellement pensé en vrai. Mais c'est clair qu'il y en a plein qui est dans son secret hidden stash. Honnêtement, là, si vous n'êtes pas obligé de montrer vos tokens, hein, si vous voulez comme les mettre dans vos poches, là, j'ai pas de trouble avec ça. Moi je vais demander, est-ce que t'as un plan pour être capable de get plus d'eau plus tard? Là, tu me parles de ça, mais genre, tu comptes-tu aller en chercher? I think I might know a place. I'm not sure, but I think I might know a place. C'est quoi, check? Ce que je vais faire à la place, information. C'est que je vais... Information! Information! C'est ça que t'as rien de faire? Ouais. Oh, what? I might know a place. Where is it? Ouais, ben oui. Non, mais where is it, effectivement? I'll check my map. I'll have to go check my map. Genre, en fait, j'ai le goût, parce que j'ai le goût de dire, genre, comme, je te donne ça, mais la prochaine fois, tu me dois, genre... Oh, you're gonna charge interest? Non, ou c'est un IOU, là. Non, mais c'est ça, je dis, est-ce que tu y charges pour de l'information? Mm-hmm. Are you trading for information? Ouais, ben oui. Ouais, ok. Ouais, c'est ça, ouais. I'll double check. I think I know a place. I'll have something for you. See me later. Mais t'es mieux de me voir tantôt, hein. T'es mieux de me voir tantôt. T'es mieux de me voir, sinon. Ça, c'est un bullet. C'est un bullet. Excuse-moi, j'ai toujours voulu faire ça. Brains. T'as toujours voulu faire. Non, mais c'est la meilleure manière de négocier. J'avais fait ça dans une game de Call of Cthulhu avec un character qui était comme, qu'est-ce que tu veux? Puis j'étais comme, je prends une balle puis je le mets devant la personne. Dude, I got a magic trick. I can give you this or I can give you this. Non, mais je peux pas comme essayer de faire un jet de genre de le convaincre que, genre, que c'est important qu'il revienne genre plus tard. Ok, oui, tu peux vouloir manipuler, c'est sûr. Ouais. Qui viennent me voir, il faut qu'on le fasse manipuler, c'est ça. Non, c'est ça. Puis, Tu me damages dans ta stat. Mon dieu. Oui. Est-ce que c'est reflété dans tes dés? Non. Tu j'ai un. T'as un succès. Fait que oui, t'es sûr, c'est sûr à 100% que quand il va avoir l'information, il va venir te voir. Parfait. Ouais, parfait. Puis il nous reste Cousteau. Cousteau, qu'est-ce qu'il fait pendant l'espèce de Water Riot? Un petit scuffle de Water Riot. Ouais. Je cache my la water. Moitié de ma water. Fait que dans le fond, tu vois, tu t'entends, tu vois ce qui se passe, tu comprends assez, comme Cousteau comprend assez rapidement, comme shit, c'est l'eau. Something's down with the water. Something's down with the water. Feel it. Avec mon skin que ça te feed, your acid. Donc, qu'est-ce que tu fais? J'aimerais ça stasher la moitié de mon eau. Ok. Tu peux stasher ton eau. Ou genre trouver de l'eau. C'est quoi? Je vais te permettre de. Parce que si je pourrais en trouver, je pourrais en distribuer un peu, genre. Ouais. Ok, mais regarde, t'as le choix. Tu voles l'eau à quelqu'un, puis tu le vois. Soit que. I'm a good guy. I know someone stole you that water. Il est comme, oh man, you're cool. Je vais te donner des choix. Thanks. Tu peux soit, vu que là, clairement, il y a quelque chose avec le water supply qui arrive. Ouais. Tu peux attendre puis voir qu'est-ce qui se passe. Tu peux cacher ton eau. Tu peux déjà commencer à donner de l'eau gratuitement aux gens pour les aider. Non, je peux avoir cette réputation. Tu peux commencer à vendre de l'eau, genre. Je veux dire, un water ration pour deux bullets. Tandis que d'habitude, un water, c'est un quart de bullets. Pourrais-tu faire. Je pense que je vais faire une business avec l'eau, puis je file de l'eau, puis elle le vend, genre. Je vais pas avoir cette réputation. Ou sinon, je vais te donner le droit de récupérer de l'eau. Tu sais, genre, comme okay, tu ouais, de salvage de l'eau. Salvage de l'eau, à ouais, des places que tu sais qu'il y en a. Okay. Yeah. Quel nom de zone, mettons? Ouais, nom de zone. Je te donnerais ça, genre, ouais. Find the. Non, nom de zone. Water. Tu fais nom de zone, ouais, vas-y, tu fais avec nom de zone. Ouais, ok, fait genre, tu t'en vas à certaines places, genre sur le carrier, pis tu sais qu'il y a de l'eau qui a été stachée ou que l'eau se ramasse naturellement. Ok. Deux réussites. Est-ce que tu veux push ton roll? Non. Je vois juste un tape, je pense que je vais le damage. Deux, c'est quoi? Ça a failli tomber dans le water, C'est deux parfait. Water. Ben, ces deux de water là, dans le fond, j'ai tout de suite comme. J'en ai assez pour cover genre notre gang, fait que je pourrais redonner tout de suite ces deux water là à la communauté, genre. Ah! Okay. Essayer de genre ouais. Mettre sure. De l'eau sure. Sur le feu. Sure! Sure! Alright. J'ai de la métaphore. Ok. Un peu à la place de l'huile. Mais je vais. Puis jouer de la flûte. Parfait. Fait que pendant que tu fais ça, à un moment donné, il y a Mooba. M-U-B-B-A, qui est la main enforcer pour The Rule, qui est comme la plus grosse faction. Ok. The Rule ça, c'est pas la religious faction, c'est non. Pas la military faction. Non, c'est Maximum. C'est le plus gros boss. C'est le boss qui a le plus de monde, qui a le plus de pouvoir sur le arc. Ok. Vous passez du stock? Je m'en serais rendu compte éventuellement. I shoot bullets, and I shoot! And I shoot, and I shoot. Wait. Juste genre une année, t'as une pile de moins. C'est comme on a tout acheté du shit à plein de monde différents. Fait que t'as Moobox Point pis qui. Sur Tommy Gun pis un gaz d'astronome. Pis la raison pourquoi tu sais que Mooba est là, c'est que genre elle te punche derrière la tête pis là tu, comme, tu tombes par terre pis elle est là pis elle aussi elle a quatre bras d'ailleurs. Okay. And she's there, she looks like Goro from Mortal Kombat. Oh, shit. Y a une female. Elle a genre Goro une ponytail mais elle a genre comme un. Oh my god. She's really, she's fucking huge. She will pourquoi rip, elle est en train de me punch? She will rip your head off. Pourquoi elle veut me rip mon head off? What's going on? La raison, donne-moi un. Attends, je vais vous donner un nom random. Attends, j'en ai une, disons. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai détruit quelqu'un, c'est vrai. Rennie. You know, because of you, Rennie has like. X degree burns, parce que ça c'est quoi les niveaux de burns? Yeah. He's burned all over his body, he cannot work anymore. You owe us, you fucked us, Cousteau. Okay. You took his shelter away, and now he's burned. Puis juste comme tu dis ça, les gens qui ont dit, but no, Mooba, he just helped me, look. Puis comme genre, il donne de l'eau, genre à son quelqu'un d'autre. She's like, yeah, you're getting off easy this time. Parce que la personne que t'as aidé, c'est aussi quelqu'un qui fait partie du rule. Ok, ok. You fucked someone over from the rule and then you help them, so it cancels it out. Alright. Kinda. Là, genre, elle fait ça avec genre comme ses quatre index, elle fait I got my eye. I'm good. Ouais, genre, c'est son doigt aussi, là. I got my finger on you. I got you, I got you. I got your number, motherfucker. Even though we don't know what mothers are. I got your number, mutant fucker. Mutant fucker. I got your number, plant fucker. What's a, tree what's a, fucker. What's a number? Tree hugger. What's a number? Man. Fang, let's do this, man. Man, regarde, non, mais you wanna fight her? I'm fine with that. Right, donne-moi man, 9 days. Non, mais vois-tu, là, j'allais pour te donner un exemple de comment le jeu fonctionne. I was gonna fuck you over something you did, but you did something... T'as ouais, dépensé... T'sais ça, t'as give up something que t'avais, pis ça t'a donné un bonus. Alright. Ouf. Kenny, fais-tu partie du... Kenny, non, mais c'est lui, ça. Non, je parle de celui qui était sur le skate. Oh, ouais, mais c'est Kenny, c'est lui qui l'a fuck over. Ouais, ouais, mais je veux dire, si je pourrais l'aider... Il fait-tu partie du clan, il fait-tu partie d'un clan aussi? Là, juste... il est pas avec le rule. Il est avec personne. T'es avec c'est clair qui est pas avec, avec le challenge. Ok. Fait que toi, t'es en train de... De juste être là. Puis son clan... intimidant. Stand back, ok? Mais en fond, je vais te demander un jet d'intimidate parce que là, le... T'sais, le monstre sont comme, what's wrong with the water? Tell us what's wrong with the water. Puis le Marlette est comme, no, there's nothing, we're just... keeping it safe. So I'm like, no, that's a lie. There's no more water. The water's polluted. The water's bad. But I'm like, no, listen to her. The crowd commence à... Vas-y. À être unruly. Je re-roll ça, mec. Il est à terre. Un succès. T'as un succès? Est-ce que tu veux push ton roll? Non. Non? OK. Fait que comment est-ce que tu fais que le crowd avance pas? Qu'est-ce qui fait que finalement, il n'y a pas d'émeute qui commence? Grâce à toi. Qu'est-ce que Marl fait? Ah, c'est clair, man, le trip est bestial short. Ok, tu fais juste comme RAAAAAAH! Genre, il s'avance, puis tu fais genre exact. Puis tout le monde est comme wow. Holy shit, he means business. He means business, puis il y a comme un point. Non, mais tu peux le garder, je te le donne. Ah, ok. J'ai comme un point d'âge, genre, ah, oh shit. Fait que là, tu fais, l'enfant, Marl, il fait son cri de gerboise. Puis il y a comme un flashback, il y a genre une couple de semaines, quand il y a eu genre la grosse révolte. Puis t'as genre Marl qui est comme avec son axe, puis genre qui chope du monde, puis qui pump, puis comme, ah, il pogne un autre gars, puis il gruge comme si c'était genre une carotte, genre, ah! Qui est genre qui destroy plein de monde, pis là, comme le monde se rappelle quand Marl a fait ça, pis sont comme, yeah, ok, yeah, that guy, don't fuck with that guy. That guy means business. Pis pendant tout ce temps-là, est-ce que ton welder's mask est ouvert ou fermé? Il est fermé, ok, c'est quoi? J'avoue, c'est plus intimidant. T'entends juste ça qui sort du casque. C'est genre en sourdine parce que c'est parfait, fait qu'il n'y a pas d'émeute. Puis bon, là finalement, comme t'sais, le Legion a l'air de protéger la porte, finalement le monde sont comme ah, t'sais, finalement ils s'en vont parce que sont comme est-ce qu'on va se faire péter la gueule par une gerboise géante ou quoi. So finally they give up, they go away, and you begin to understand that les rain catchers fonctionnent encore, mais vu qu'il y a quand même de l'eau acide qui est rentrée, c'est que ça a brûlé les filtres. Ça a brûlé, ce qui vous permet de purifier votre eau. Vous avez encore plein d'eau. Il est pas contaminé tout. Là. Non, c'est ça, pas tout est contaminé. Il reste encore un peu d'eau sur le arc. Mais jusqu'à temps que vous remplaciez les filtres, il n'y a plus d'eau. Là. Toute l'eau qui rentre va être rot contaminated. Mm-hmm. Ça, c'est quelque chose que Pontiacs explique. Puis, dans le fond, la raison, c'est que Marlotte protège l'eau. Mais ils en prennent pas. Ils empêchent juste le monde d'en prendre. D'en voler ou whatever. Puis là, évidemment, genre comme Maximin essaie de s'en mêler. Il y a presque un scuffle. Finalement, il back off un petit peu. Johamed est juste comme... No, we'll pray to the mutant. The first mutant will show us the way. Les autres, ils boivent déjà du rot water anyway. Fait que Johamed s'en mêle pas vraiment. Sauf qu'en tout cas, fait que pour l'instant, c'est le Legion qui est en contrôle du seul supply d'eau qui reste. Est-ce que vous voulez laisser faire? C'est correct? You wanna do something with the Legion, or you just... Moi, j'apparais à côté de lui. En fait, je fais en sorte que mon chien jappe d'un bout de la pièce. En fait, pendant que tout ça... se passe, c'est à l'extérieur, dans un couloir du aircraft carrier. Tout le monde se bat, là, t'as Mild qui lâche son espèce de cri de rodent. Tout le monde est genre, oh shit, c'est super intense. Là, genre, la caméra, elle panne, puis elle passe à travers le mur, puis elle rentre, genre, dans le filtration room, qui est comme une des engine rooms, qui est comme un gros caisson avec plein d'eau. Ah, le ninja. Puis là, t'as genre Bertrand qui est comme à côté du caisson, qui est comme, t'sais, genre, y'a aucune manière qui a pu rentrer dans la pièce, mais il est dans la pièce, pas de problème. Puis, si tu veux, tu peux voler de l'eau. Si tu veux prendre de l'eau, y'a personne qui va s'en rendre compte. Ou, tu peux évaluer combien de temps qu'il reste d'eau potable. J'évalue combien de temps il reste d'eau potable. C'est un lot. Il a plus son jet, genre il essaie de sortir. Non mais genre, je pensais qu'il y avait personne. J'évalue. Ok, il reste... Il y a à peu près une semaine d'eau, maximum. Alright. Donc peut-être deux semaines si tout le monde fait bien attention pis c'est ration pis tout. Alright. Fait que j'aurais disparu de la pièce comme j'y suis apparu. J'apparais à côté de lui. Non, c'est comme dans les films, c'est genre la caméra à panne pis genre tu marches derrière une colonne pis là genre ça juste disparaître. Yeah. T'as le choix entre ça ou lancer un smoke bomb par terre, même s'il y a personne. Genre, il y a un smoke bomb qui apparaît à côté de lui, puis là, il y a juste moi qui genre. Ouais, c'est ça. En fait, je voyais plus comme genre, tu sais, disparaît dans les ombres, genre. Juste comme il réapparaît dans les ombres quelque part d'autre. Non, mais en fait, je marche entre deux dudes de la foule pour aller, genre, là, je vois lui. J'apparais dans la foule. Juste apparaître dans la foule. I know. Parfait. Là. Fait que. Ça, ce qu'on appelle, c'est un... This is a threat to the Ark. But threat to the Ark is that the water supply is running low. Fait que ce qu'ils font finalement, après quelques heures de... on va rationner, on va compter ce qu'il nous reste, il n'en reste pas vraiment beaucoup. Les boss se rassemblent tous ensemble puis ils décident qu'ils vont envoyer une expédition pour trouver des nouveaux filtres. Finalement, la voie la plus forte, évidemment, c'est Maximum, parce que c'est le boss qui a le plus de monde. Fait que Maximum envoie une expédition avec 6 personnes. Où est-ce qu'ils s'en vont? Ils s'en vont à une place que Kara, qui est l'autre stalker, a déjà entendu parler. Une place qui s'appelle, which the people call the Pure Plant. We're gonna go get filters at the Pure Plant. Parce qu'à l'origine, quand le Ark a été mis en place, a été construit par le Elder, que ça fait très longtemps que vous n'aviez pas vu parce qu'il est malade, lui est allé au Pure Plant chercher du Ancient Technology, qui est ce qui vous permet de purifier votre eau. Donc, Maximum envoie une expédition. Tout le monde est genre, yeah, on va avoir de l'eau, yeah, yeah, Maximum, wouhou! Les autres, ils partent. One day. Attends, y'a-tu du monde qui peut volunteer pour les expéditions? Non, Maximum envoie tout son crew à lui. Okay, okay. Uniquement. Il y a une faction assez grosse pour faire ça. T'sais, il fait comme, non, non, we got this. Okay. Okay. Ça va prendre quelques jours. Ils savent c'est où? C'est à 5 secteurs. Un secteur, ça prend à peu près 4 heures. Ok. Pour vous donner une. So it's like a day or two. Ça, est-ce qu'on va checker ça? Bientôt. So one day. Goes past. The expedition's gone, it's okay. Je dirais tout le monde qui a du damage peut healer un. Il y a deux jours qui passent. Still nothing. No word of the expedition, nothing. Je m'en vais voir la gang à Marlotte. Toi, tu vas aller voir Marlotte, ok? Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? Ils sont sûrement encore en train de protéger l'eau. Oh, ouais, les autres, ils ont comme des tours de 24 heures sur 24 qui protègent l'eau, là. Tu sais, il y a juste une fois qu'elle a shot quelqu'un, ils ont repoussé du monde, il y a du monde qui vient, tu sais, comme quêté. Puis ils contrôlent l'eau, mais comme super tight. Puis évidemment, les seules personnes qui ont pas soif, c'est le monde de la gang de Marlotte. Eux autres, ils boivent en premier parce qu'eux autres, il faut qu'ils protègent le Ark. Et s'il y a un threat qui vient, il faut qu'ils soient prêts, il faut qu'ils soient en forme. Le reste du monde, on va vous en donner un petit peu, mais ils se donnent priorité à eux-mêmes. Sauf que ils disent pas, tu sais, you don't get the feeling that they're doing this to fuck people over. She actually believes that her duty is to protect everyone. If she's thirsty, she can't protect anyone. Mm-hmm. Fait que oui, qu'est-ce que tu voulais faire avec Marlotte? Moi, je voulais juste aller la voir pour lui dire, ouais, je sais dans quel genre de situation précaire vous pensez que vous êtes en ce moment. Ok. T'essaies de gagner des faveurs un petit peu avec. Non, non, je veux juste essayer de lui proposer de financer une expédition pour que moi si et ma crew, okay, on aille voir... Ta crew? En backup sur... Quelle crew? Juste une question, parce que tu sais, depuis tantôt on fait des références entre nous. Est-ce qu'on se connaît? Parce que là, on a débuté, oui. C'est parce que, dis-toi que le arc au complet, ça fait, on va dire, au moins, si on veut mettre ça en termes de temps, là, ça va faire entre 15 à 20 ans que tout le monde est là. Okay, on peut avoir des histoires, c'est pas juste comme, admettons, Philippe, il m'a pas juste laissé pour mort nécessairement, il peut arriver... Vous avez tous grandi ensemble, aussi loin que tu peux te rappeler, tout le monde que tu côtoies dans le arc était là. Puis le arc, il y a à peu près 200 personnes dedans. Okay, tu connais tout le monde au moins de vue, minimum. Minimum. Puis clairement, ok. T'sais, tu connais pas nécessairement le nom de tout le monde, t'es pas ami avec tout le monde, mais c'est une très très très petite communauté. Ben ouais, 200 personnes, ouais. Tu considères qu'à l'origine, il y avait peut-être plus de mutants, t'sais, dans le temps que vous étiez tous super jeunes. Le first mutant. Dans le temps que vous étiez très très jeunes, tout ce que tu te rappelles, c'est que le Elder était lui aussi jeune, c'est lui qui vous a appris comment toutes les choses fonctionnaient, comment le zone était dangereux, comment survivre, pis t'sais, that's your own, c'est comme, c'est ça. Okay. Donc, fait que toi, tu t'en vas voir Marlotte, tout au fond, tu lui dis ça, pis that's it. Tu lui proposes ça. Je lui propose de backer ouvertement une expédition, genre de volontaire. Ok, t'as-tu, moi je te dirais, dans ce cas-là, ça serait comme... En fait, avant d'aller faire ça, je pourrais aller voir mon buddy Philippe. Parce qu'en fait, moi, tu disais ça, puis en fait, je pensais déjà de mon côté faire quelque chose, comme je pensais aller, genre, essayer d'aller, mettons, au marché ou quelque chose, ou tu sais, si j'ai-tu comme une plug, mettons, par rapport à ces informations de, tu sais, qui a quoi, mm-hmm, puis tout ça, tu sais, que comme, puis que je vais aller, que j'aille chercher, genre, quelqu'un qui, mettons, qui connaît un stalker, qui connaît une place que personne d'autre connaît, mettons, pour aller chercher de l'eau. Ben, il y a Yassine, t'sais, qui t'a déjà dit que lui, il savait peut-être une place pour trouver de l'eau. Ouais, c'est ça. Fait que ça, mais dans le fond, fait que toi, tu voudrais juste rassembler le monde qui aurait comme... Rassembler, genre, les rations d'eau que les gens ont cachées, ou tu voudrais... Ouais. Tu voudrais utiliser l'idée de Bertrand pour aller convaincre Marlotte de peut-être sponsoriser une expédition, genre? Mais ça, j'avoue que, ça... Ça pourrait être cool. Comme ça, elle peut avoir la tête claire qu'elle protège l'eau qui reste. Mm-hmm. Puis elle peut avoir les idées safe pour que si l'autre place, ça fuck up, genre. Mm-hmm. Ouais. Autre question, genre, admettons qu'on décide de faire de quoi là, genre le temps passe, comme, admettons, on peut-tu essayer de sortir dans la zone? Est-ce qu'on peut trouver de l'eau? Ouais. Mais genre... oui, mais c'est ça, c'est... Oui. Hors des, genre, des water plans ou genre quelque chose qui... Ouais, vous pouvez trouver de l'eau, mais ça va être suffisant pour vous. C'est ça. Il reste 196 autres mutants, là. Dont une gang sont partis en expédition. Ouais, dont 5 sont partis en expédition. Tu peux en trouver pour 10 personnes. Non, mais en même temps, je veux dire, les gens qui sont partis, là, on n'a aucune garantie qu'on va voir ce qu'on a. Ce que tu peux carry sur toi, c'est ta force x2. Oh, ouais. Mais en même temps, c'est parce que je me dis, admettons une idée comme ça, genre, tu sais... Ouais, j'avoue qu'il faut la filtrer pareil. J'allais dire, on pourrait essayer de faire plus de connecteurs, trouver genre comme des places, mais même on pourrait juste comme pinpoint les places et dire on va retourner avec du monde, sauf que là, faut l'inviter et puis sans rien. Je pense que ça pourrait être bon qu'on fasse ce que tu disais, mais genre, moi je pense que je commencerais à demander pour du monde qui connaisse des places où il y aurait genre du scrap metal ou des tissus, genre les affaires comme pour patcher les barrels, tu sais. Comme si je me rends compte, tu sais, comme pas là, c'est. Les barrels, comme tu magasins, c'est la filtration. La filtration. Mais ok, mais d'abord la filtration. Les barrels, si ça a fait quoi que ce soit, l'acide, c'est que ça risque de nettoyer. J'imagine qu'il va falloir y aller, anyway, là. En fait, on va une petite expédition, on sort en masse. Mais c'est ça, mais moi, c'est que je pourrais aller voir quelqu'un qui connaît genre le type de matériel que ça prend pour faire des systèmes de filtration. Puis genre. The only place you're gonna find that is at the pure plant. The pure plant? The pure plant. That's where you're gonna find what you need. Où est-ce que l'expédition est partie, c'est okay, au c'est pure le... plant. Ok, c'est le. On peut pas trouver un chimiste qui fait genre comme. Non, ça existe plus. Genre la distillation d'eau, genre. Ils font de l'alcool, for God's sake! Si tu me donnes genre comme une caisse d'orange puis une bouteille de ketchup, je peux te montrer comment faire de l'alcool. Là. Je peux pas te montrer comment purifier de l'eau. C'est même pas une joke. Mais. C'est hier sur YouTube, on a écouté, j'ai découvert un channel que genre ils font plein de genre de j'ai dit de recettes qu'ils trouvent sur internet, puis ils font genre du prison wine. Ça sonne juste comme that sounds like death là. C'est toilet wine. Pas cool. Moi je sais qu'en prison ils font une espèce de shit avec genre de la confiture puis de la vie de pain là. Oh. Parce que c'est dangereux là. Ils n'ont rien d'autre. Fait, qu'est-ce que Philippe veut faire finalement? Mais qu'est-ce que j'avais commencé à te compter là, avec tout ça? Ben, c'est parce que tu peux convaincre Marlon de sponsoriser une autre expédition. Tu peux trouver où est-ce que du monde dans l'art qui ont caché de l'eau. Est-ce que tu veux acheter, vu que tu sais là, qu'il n'y aura plus d'eau, est-ce que tu veux l'acheter à premium maintenant pour la revendre dans une couple de jours quand on va faire plus cher? Mais c'est pour ça, c'était un peu ça l'idée, ouais. Comme tantôt quand tu disais que je voudrais aller voir à l'extérieur, tu sais, comme aller chercher de dans l'eau, ce cas-là, pour la revendre aux gens. Je te permettrais de faire un rôle de make a deal pour faire un side business. Ok, parfait. Ouais. Non, c'est ça, je pense. Pour trouver de l'eau. Ouais. Ouais? Ah ouais. Tu n'as ta feuille de skill, je veux juste voir de quoi. Non, mon skill. Ton skill. La feuille. Ouais. Ça. Puis dans le fond, Wheeler Dealer, c'est que tu fais x2? Ouais. My god. Ok. Ben, fais ton jet là. Fait que 2 de ça. M petit, c'est rendu 4. J'en ai 2. T'as 2 succès? Ok. Fait qu'à part de l'eau, est-ce que tu veux d'autres choses? Bullets, grub, booze, information. Comment? C'est sûr qu'information c'est toujours bon, mais je veux du bullets. Ok. Du boulette. Fait que. La boulette, puis je voudrais au moins un piece d'information. Ok, mais t'as, par contre, c'est l'un ou l'autre. Fait que je dirais, en ce moment, you get water, that's for sure. Ok. Est-ce que tu veux des bullets, du grub, du booze ou de l'information? Je veux des bullets. Tu veux des bullets? Ok. Tu veux utiliser ton skill, ton talent de wheeler dealer, tu veux l'utiliser sur l'eau ou sur les bullets? Sur l'eau. Sur l'eau? Sur l'eau. Ok. Lance 4d6. De quelle couleur? De ce que tu veux. 4. Ouais. 6 des 4. Rien. Non, mais compte-les en tout. Additionne tout ensemble. Ok. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh! 12. I'm rich, bitch. Here's water. Mais c'est bien, ça prend 4 en prend une seule. Ouais, en ce moment, si tu veux partir du arc avec toute l'eau que t'as, c'est impossible. C'est juste comme. Genre, faut que tu transportes genre plein de grosses jugs. Là. Ok, fait qu'en ce moment, t'as probablement réussi à acheter ou avoir toute l'eau qui est pas storée sur le arc. T'es la seule personne. Hormis le Legion, tu contrôles tout le reste du free supply of water sur le arc. I'm gonna be rich! Tu voulais des bullets? Ouais. 1d6. C'est ridicule. Une question, ration, tout ça. Tiens. Oui? Nos rations, tout ça, là. Ouais. Comment ça marche? Dans le sens que là, il y a un jour qui est passé. Tu peux t'en servir. Ok, quand t'es dans l'arc, on comptabilise pas le grub, puis le water, puis le sleep. Quand t'es out in the zone, exploring, doing a mission, doing an expedition, à tous les jours, faut que tu consommes obligatoirement one ration, one water, and you have to sleep at least 4 hours. Okay. Si tu veux heal, Every ration heals one damage. Every water heals one fatigue. Puis ça c'est quoi, admettons, genre comme je mange dans la journée, est-ce que ça me heal ou il faudrait que je mange en plus? En plus. C'est okay. Un additionnel. Ok. L'affaire, c'est que vous allez. Tu sais, comme là, par exemple, le Pure Plant est à 5 secteurs. C'est au moins 4 heures pour passer à travers un secteur. Fait que c'est au moins une ou deux journées pour s'y rendre. Shit happens, vous faites un détour, whatever, takes more time. Fait que. Pis faut que vous reveniez, là aussi. Mm. Tu sais, you could be like, yeah! Pis là, t'as plus de bouffe pour revenir, pis t'es genre, ah non, ça c'est moins nice. Ok, fait que t'as tout ça. Holy fucking shit, t'as combien d'eau là? J'ai 12 plus. Ben compte tes tokens. Ouais, ouais. 16. Je veux de l'eau. J'en avais 15, je pense, mais. Fait que, dans le fond, je t'ai donné 12 de plus sur ce que t'avais là. Fait que 12 sur 4, c'est ça? Ah oui, c'est vrai, parce que j'en ai donné. Parce que t'en as donné au 12. That's why. Je l'avais pas. T'as une gigantesque pile. C'est moi. Ah, okay. J'ai de l'argent, mon gars. T'as plus de water que j'ai de toutes tes affaires ensemble. ensemble. Alright. Puis après ça, une troisième journée passe, toujours pas de retour de l'expédition. Clearly, something went wrong. They're not back. Tu peux expliquer une idée à un autre point? Non. T'as dit une autre journée à passer. Ah, ok, je vais te le donner. Un autre point. Ou sinon, j'aurais essayé de voir si j'aurais pu faire un jet de heal. Ok, là, clairement, something has to be done. Les boss se remettent en fait Johamed, Marlette, Astrina, pour qui représente comme le elder parce qu'il est malade, c'est elle qui parle à sa place. Et Maximin se rencontrent tous ensemble en huis clos, discutent un peu, ils décident que we need to send a second expedition. Mais Astrina, elle insiste que ça soit quelqu'un neutre. C'est quelqu'un qui fait pas partie d'un gang. So they pick you guys. Fuck you, Astrina. God damn it. So they, you want me dead, so they pick bitch. You guys. La première chose qui se passe, fait que là, you don't really have a choice. La survie du arc dépend de vous autres. Fait que vous préparez, vous commencez à ramasser votre gear, à vous préparer le kit. La première chose qui se passe, c'est que il y a un autre fixeur, qui est la classe, le rôle de Philippe, qui s'en va voir Philippe. Ce fixeur-là s'appelle Sixter, because he has six fingers on each hand. C'est aussi le second in command de la faction de Maximin, du Rule. Okay. He's you know him to be kind of a double dealer, backstabber, he's a sneaky motherfucker. Mm-hmm. He goes to see Philippe. Mm-hmm. And he says, before you leave, tu sais, durant le acid rain, en passant, comment on appelle cet événement-là? Black. Ouais, c'est faux comme. The Black Day. The day of burning. La nuit des. The day the water burns. La nuit des. Nice. La nuit des. Donc. À cause de ça, il y a plusieurs comme stalls du market qui ont été détruits, dont le stall de Milix, qui est un autre. Ah, son stall, il était déjà. Qui est un autre fixeur. Il y a comme trois main fixeurs sur le arc. There's Milix, Sixter, and Philippe. Il y a moi, c'est ça. Je suis dans le main, là. Le Sixter s'en va voir Philippe, and he asks Philippe, you know, Milix is starting to build his business back up. He takes a lot of space on the runway, on the main deck. We need him to move on the lower deck. You think you can make that happen? Je suis d'accord avec ça. Moi, je pense qu'on est capable de faire ça. The thing is, I'll give you 6 bullets if you can make him move him to a lower deck. The problem is he's starting to build his shop back up. There's him. There's his goddamn slave Ariel. Okay. And then two other mutants he just hired. There's 4 of them. You need to make him move on a lower level. Mm-hmm. I'll give you 6 bullets for your trouble if you do that before you leave. Mm-hmm. Ben oui, mon chum, pas de problème, mon chum va te le faire, ça. Ouais, okay. Le faire. Est-ce que tu demandes de l'aide à tes friends? Oui, je demande à quelqu'un de m'aider à le trouver. Oui, c'est sûr que je ne fais pas tout seul. OK. Qui t'amène avec toi pour convaincre Milix de move down? Marl. check. Mais en fait, oui, ce qui arrive, c'est que je vais commencer par aller voir Marl. Puis je vais lui dire que je suis prête à le heal s'il y a besoin de heal. Je peux le heal, puis si je le heal, ben il peut venir avec moi, puis on ramasse d'autres gars, genre, puis on s'en va là-bas. Est-ce que t'acceptes? T'es reçu du damage? Je vais être là. Oh, shit! OK, gars, I'm gonna spice things up. Je vais même pas lui demander de roll. Si t'acceptes, elle te heal au complet, mais t'es obligé de la packer, peu importe c'est quoi qu'elle décide de faire. Si ça dégénère en full-out brawl... Ah, puis si j'ai 4 blessures... qui va payer pour ça? Si ça dégénère en full-out brawl, genre 3 contre 4 personnes, t'es into it. Mais elle te heal full avant que tu y ailles. Avant que tu y ailles. Puis je vais faire ça comme ça. Je peux pas y... C'est les bonnets qui vont être payés. Je peux pas juste dire, écoute, genre, dans le fond... C'est sûr que quand tu reviens, genre, pis si t'es ben blessé, si t'es vraiment, là, pas ben, pis sur le bord de la mort, là, écoute, moi, je vais pouvoir t'aider. If you're almost dead, I'm gonna help you. Je vais pouvoir t'aider, t'sais, comme ça. Quand tu reviens, là, c'est de quoi. Sinon, fait que tu peux soit être d'accord. Je vais aussi te permettre de le forcer à le faire. Tu peux faire un manipulate attack. Si tu réussis à le break... Non, je peux faire ça. Non? Je peux faire ça. Ok. Non. Je peux faire ça. Ok. Fait que, dans le fond, c'est Marl qu'il faut qu'il décide. Est-ce que tu veux aller aider ton genre friend Felipe? He left me for dead. And you're giving me what? Got this single bullet. On va enlever tout comme prétention, là, comme you're gonna muscle some people out of their business. C'est littéralement ça, là. Vous allez évict du monde, là. Sont 4. On va aller chercher d'autres personnes, là. Il n'y a pas juste toi, je te jure. Cette fois-là, t'es pas tout seul. Il y a d'autres mondes qui viennent embarquer avec nous, t'sais. I want one bullet for that. Sais-tu quoi? Alright, mon chum. Alright. Ah oui. Right. Encore mieux qu'une bullet, mon ami. De l'eau, tu vas boire avec moi, t'es en sécurité. C'est comme, t'as soif, t'as clairement soif. T'as pas soif, mais tu sais que comme, there's no more water. Puis là, et comme là, genre, comme, t'as Philippe qui rentre dans le soleil, puis qui est comme, ah, genre comme qui s'en met, ça comme, ah, sweet, sweet water. All right. You'll do it for water. You'll beat people up for water. That's how serious shit is. Yeah, tu veux-tu convaincre d'autres monde d'aller avec toi? Ah oui, c'est vrai. J'en ai pas fini. You know what's really scary to people? Dogs. Ben non, mais c'est sûr. C'est comment, là, j'ai pas... En fait, ouais, Bertrand, ouais. Bertrand, il a de l'allure, fait que... Bertrand, viens-t'en, on s'en va voir, Bertrand. Moi pis Marl. Comment ça va, Bertrand? Tu sais qu'est-ce qui est scary aussi pour les people? Plants! Threatening flute. Attendez, je peux pas être à 15 ans en même temps, là! Tellement useless. You know what's really scary? Photosynthesis. Mais c'est ça, hey, Doggy Boy, ça te tente-tu de venir avec moi? That's a bad start! On va aller... Doggy Boy? Avec lui, ouais, avec moi, on s'en va chercher... On s'en va chercher de l'eau, déjà, c'est non, ça. Vous allez intimider Milix. Ah oui, c'est vrai. Let the dog decide. Je l'aime pas, lui, l'esti, de toute façon, fait que on y va tout ensemble. Milix, il nous doit de quoi, fait que c'est à nous autres, il va payer, il y avait de l'intérêt là-dessus. C'est entre toi puis lui, ça. Ben ouais. Flatter mon chien à deux mains. Ok, mais. À 4 mains! Non, à 2 mains, parce que les deux. Moi, je suis juste là par coïncidence. Genre, ils ont pris ce spot-là que je jouais de la flûte pour faire leur meeting. C'est juste random. Genre, Philippe McGlude, genre, attends, let's go, guys, on va les meet up. Je suis what's that? Parce que je me suis assis proche de toi, parce que je trouvais ta musique. Ouais, ça soute, ça soute le pain des dogs. Ça, le chien dormait à la violette. Je le chantais. Non, mon nom est bien à dog therapy. One bullet. Ça, c'est parfait. Fait que, ouais, ben, Bertrand, comment viens-t'en, genre. Mais là, qu'est-ce que tu m'offres pour t'aider? J'ai juste acheté de même. T'as-tu besoin d'eau, peut-être? Est-ce que ton chien a besoin d'eau? Mon chien n'a jamais besoin d'eau. Pis toi, t'as-tu besoin d'eau? Moi, peut-être. I'm kind of thirsty. Ben, il est tout sec, là. Je te donne un dos, mon ami. Un dos. I'm that cheap for you. Ah ouais, c'est vrai que t'as un chien, hein, t'sais. Je t'en donne deux. Alright. Attends, mon ami, attends. On va aller... J'ai l'air que Chloé t'arrête de vivre un gangster. Juste, you wanna live? You wanna live? Beat some people up. Je regarde ça que Felipe est en train de hand over, genre plein de ressources. Là, j'arrête de jouer de la flûte un peu. Ouais, j'arrête de jouer de la flûte un peu. Je suis comme. I'll follow you for one bullet and one grub. Oh! One bullet shit. And one grub? T'es sûr que tu veux pas d'eau? No, I think I'll be okay. I'm the water. I think I'm gonna be okay, pis genre il boit comme du ghetto. Moi j'ai pas toujours juste avec les pieds dans un bain, genre. Comment ça va prendre de l'absorber? Fait que, ça. Ok, ben ouais, fait que dans le fond, c'est quoi? Je vais dire que. Ok, ce que je vais faire, c'est. Je vais te donner ça, mais je vais te dire, je vais essayer bien de te faire comprendre que, comme, si tu fais ça, t'es mieux, genre, de me donner des bons chemins pour qu'on s'en va. Ok. That's a deal. Nice. I'm the best stalker alive. Alright. So you all go on the top deck. You all go on the landing strip. T'as Milix qui est là avec Ariel, qui est son slave, qui est genre une female mutant, qui est genre super big. Not as big as Marl, but pretty big. Okay. Puis deux autres mutants sont arrivés. Moi, je suis compact. Oh. Ouais, mais t'as quand même 5 de strength. Genre, comparé à la majorité. Tu sais, quand tu dis que la majorité du monde ont comme 2 de strength, ton character il a 5, je me suis dit que c'est un monstre. Okay. Moi, j'ai 3. Hey, j'avoue, c'est le parfait croisement. Un armadillo. C'est comme un strong. C'est un armadillo. Ok. Parfait. Dans ma tête, c'est ça maintenant. En vrai, c'est le même, j'avoue que c'est nice par exemple. So, ça creuse, il me semble, un armadillo. Puis la toune dans Megaman est vraiment badass. Oh, d'armadillo. Fait que vous arrivez. So you're on the landing strip, and Milix is building his thing back up. Ariel is helping him. The two other mutants are carrying stuff. Ils réparent, genre, ils mettent du duct tape sur des trous dans leur bâche. Puis, comment est-ce que. Fait que c'est Philippe qui est genre à la tête du crew. Genre, tout le monde arrive, tout le monde est derrière, tout le monde a l'air d'avoir l'air. Tout le monde essaie d'avoir l'air tough. On est quand même scary quand j'y pense. Fait que dans le fond, genre c'est... les huge hantons avec les huge de role, ça va être manipulate. Dogs, yeah. Qui est comme puis là, star, genre, ou on va voler ça. On va. Tâche de naissance autour des yeux. Vraiment, Chloé m'a suivi. Bon. Genre, c'était pas. C'était un film. Non, elle t'a donné de l'eau à place. Un cachot vraiment bas sur les yeux. Ah, je pense que pour un dos. Moi, je t'adore. Non, c'est juste. J'adore que c'est comme. En rétrospective, c'était pas un bon deal. En fait, c'était pas bien. Franchement, c'était pas voulu dans mon truc. Là. C'est comme j'allais le faire, c'est juste que je l'ai pas fait. Tu le heal ou tu donnes de l'eau? Ah, c'est un des deux? Ouais. Ok, ben je donne deux. C'est bien demandé. Semble. Ouais, non, tout en bide. Mais ce que je te demande, c'est ça. Vu que t'as été le premier, t'es comme. Tu sais, t'es genre. Tu t'en viens, pis t'es comme. I'm doing this from one water. Pis t'es comme. What? I got two. Pis t'es comme. Ah! Je me trompe. Je pense que je me trompe. Alright. Je sais pas. Fait qu'on va faire ça comme étant du social combat. Fait que la personne principale qui run le social combat, c'est Chloé. Fait que tu vas construire ton dice pool avec Manipulate. Ok? Qui est ton. Oui. Tu prends ton skill. Mais pas de casque. Ton skill, plus ton attribut. Ça ne brasse pas pour tout de suite, gros. Ok? L'affaire, c'est que t'as de l'aide en ce moment. Oui, c'est vrai, j'en suis. Chaque personne qui t'aide dans ta négociation te donne des bonus. Okay. Fait que Cousteau va te donner un dé de gear de plus, un dé rouge. Oh yeah! C'est quoi? Je viens d'avoir une dé. Marl, roule intimidation en ce moment. Chaque succès, c'est un dé de plus que tu donnes à Chloé. Oh, un. Deux. Est-ce que tu veux push? Non. Prends deux dés de plus pour Marl. Puis on va prendre... C'est quoi? On va prendre deux dés de plus. Un pour Max. Un pour Bertrand, puis un pour son chien. Deux dés de plus. Tu prends tout ça, ok. L'affaire, c'est que eux autres sont quatre. Mais Ariel, c'est un beef. Okay. Fait que vu qu'ils sont 4 plus un beef, on va enlever 2 dés. Enlève-en 2, ouais. Ça, c'est ton final dice pool. Okay. That's social combat. Okay. Si tu réussis, eux autres, ils se défendent pas. Leur défense, c'est de t'enlever des dés. Okay. Roule-nous ça, puis on va voir qu'est-ce qui se passe. Oh, ils vont se faire. Wreck. C'est ça, c'est tout un dé. Juste le nombre de dés. 1, 2. Mais pas de 1. Juste 1. Okay. Sur le equip. Fait que le push est quand même... Le push est sur quelqu'un. Fait que là, ce qu'on se demande, c'est est-ce que tu veux y aller avec ça pour essayer de les convaincre, pour les persuader de move somewhere else? Or, parce que là, tu pourrais, tu sais, t'as un dé pour qui te donne un succès, puis t'as un dé que tu dépenses en stunt. En stunt? En stunt. Ok. Si tu réussis à break Melix, ouais. Tu le convaincs, il s'en va, you don't have to give up anything. Mm-hmm. Là, tu y ferais comme un damage. Ok. Fait que c'est pas assez. You don't know how much he has. Mm-hmm. I do. Est-ce que tu veux push ton roll pour essayer de le fucking break verbalement? Ouais. Ouais, le diss. Ouais. Je vais faire ça. Ouais. Ok, fait que tu re-roll tout. Par contre, je fais de la ça c'est un gear. Fait que ça c'est un gear dice. Fait qu'il y a un de tes trois friends qui va prendre du damage. Oh! Mais non, t'y regardes même pas, t'y consulte pas, c'est toi qui décides. Vas-y. Ouais, ok, je veux. Je choisis ici à qui? Non. J'en ai un plus au moins. Puis pas un en plus. Parfait. Donc, fait que je te donne quand même un mutation point. Toi, tu gagnes un mutation point, même si c'est un de tes amis qui se fait péter la gueule. Fait que je demanderais à tout le monde de brasser un D6, on va voir celui qui gagne le plus bas. Ah, c'est sûr que c'est pas moi qui se bat, les gars, je suis désolé. 4, 3. Ok, parfait. Donc, Max, tu vas prendre. Bertrand, tu vas prendre un damage. Yep. Damage? Ouais, mais c'est. Non, c'est. Ouais, c'est ça, c'est Bertrand. Ouais, un damage. Fait que comment est-ce que tu convaincs... Ça lui a fait physiquement mal. Non mais attends, tu fais ça. Comment est-ce que tu convaincs Melix de changer d'étage? C'est quoi ton argument? Melix est dans un clan adverse de Marlock. Non, il est dans personne. Il est dans personne. C'est un indépendant. C'est genre... C'est la personne qui own beaucoup de slaves. Ok. Ben, dans le fond, moi je l'aime pas en plus Melix. Je vais faire ce que... Justement. Je vais faire tout ce que je peux. Fait comment que j'essaie de le convaincre? Tu peux le convaincre, tu peux l'intimider. Comment est-ce que... Qu'est-ce que tu fais qui décide de faire genre, ouais, ok, on s'en va là? Ben écoute, c'est Marlotte qui m'envoie, ok? C'est Marlotte qui m'envoie. You do realize that's not true. Ouais. C'est sick. Ok, toi tu dis que c'est Marlotte qui t'envoie. Ok, parfait. You're just lying. C'est bon. Ouais, c'est ça. C'est Marlotte qui m'envoie, puis Colin... Elle a besoin de ce floor-là pour ses affaires, là. Je veux dire, fait, comme qui est-ce qu'on est, là, c'est eux autres, ils sont là pour protéger le monde, là. Excusez, ils sont là pour protéger le monde. puis dans le fond, c'est qu'ils n'ont pas le choix, là, d'utiliser cet endroit-là, d'utiliser cet endroit-là pour se déplacer. Là. Fait que tu convaincs de s'en aller en disant genre « It's for the good of the people ». Ouais, c'est ce que je fais. Puis là, genre, Ariel, qui est le slave, est pas trop sûr. Puis là, comme, il commence à en aller. Puis là, comme, non, we have to stay. Puis là, Bertrand dit, non, you have to go. Puis là, il commence genre à tussle avec. Puis genre, elle plaque à terre. Which is where you take your damage. And then Melix says, no, he's right. Felipe is right, for once. I mean, I know he's kind of a dick. But. Oh, but I'm okay. Everybody likes me. But today he's right. Marlotte is doing this for the good of the people. We have to work for the people. Pis là, genre, comme Ariel était comme, te tenais, genre, par le collet, pis t'avais de te puncher dans la face, pis comme. Pis tu le vois. Tu le vois qu'elle veut, là. Y'a rien de plus qui ferait plus plaisir que de te fucking cave your face in. but she doesn't because she's owned by someone else. And so she doesn't do it, and then she stops. And then they move off. They move down. Baby! Ah, hiver, en fait, pourri là-dessus. Ah, mais non, écoute, on a-tu fini, là? Ouais. Ben, dans ce cas-là, tu sais quoi? T'as-tu des damage? I'm hurt! Psychologically! Je fais des cours de thérapie, même. Je suis un peu confus, pis je suis un peu fatigué. Ok. Alright. Je suis un peu confus. C'est correct, mon gars. T'as été bon. Je te heal de un. J'essaie de te heal, en tout cas. Tu veux essayer de le heal? Ouais. Non. T'as pas le temps. Parce que, là, vous commencez un préparatif, là, Cousteau monte dans son solarium. Il arrive dans son solarium, puis entre deux fougères, puis un plan à l'OS. Il y a Marlotte qui est assis sur son lit, qui est assis où est-ce qu'il dort d'habitude. Marlotte, c'est laquelle, ça? C'est la leader du Legion. Oh, she's wearing her wetsuit. Puis juste comme tu rentres, elle finit d'aiguiser son couteau, puis là, elle range. It's a diving knife. And you can see that big ass revolver she just shot a guy with earlier, three days ago. Okay. And she says, I know you're going out. I said, clever, funny. Okay. Genre, c'est pas les visiting hours or whatever. Okay, tu dis ça, but like, it's just comme, arrange ça. Have you come perhaps to enjoy a bit of flute? Elle te pousse en bas de l'échelle. Elle te pêche du solarium. Je coupe des feuilles de menthe, donne les plantes, puis je demande si elle veut du thé. Oh! Tu n'avais pas le temps de me heal. Non, mais. She'll take some tea. Alright. Oh. Fait que je commence à boil de l'eau. Tu fais ton tea? Yeah. Ok. Je fais mon tea. What she says is that. C'est du thé frais dans le fond, j'ai rien pour boire. Non, c'est pas trop d'eau. Je start un fire camp. Je start un petit fire camp, I guess. I know you're going out on the expedition. I've heard from Felipe and Bertrand that you're going out on the expedition. Mm. And I want to help you. Shit, the word, he move fast. She's lying, I didn't talk to her. Yeah, he actually allé la voir pour faire comme, hey. Oh, c'est vrai. C'est littéralement une conséquence directe de ce que Max a fait. Hey. I know they're going to need a stalker, and it's going to be you. Because, let's be honest, you're the best around. Yes. No one knows the song. You're the best around, Cousteau. You're the only one on the arc with a last name. That's pretty important. He is the title. That's gonna count for something. Yeah. And I want to help you. The Legion wants to help you. The people want to help you. But mostly the Legion. Because we have to guard the arc while you're gone. And we have to make sure you come back. And if you come back, you're gonna make us stronger if we're stronger. We'll be able to protect the Ark, everybody wins. Cut to the point, please. We're gonna help you. We've been stashing grub for a long time. We have food. We have food to spare. Okay. If you so need les gens ne savent pas. No, okay, wait, actually, let's double back. Okay. but we need that food to protect the Ark while you're gone. But I know where to get some food. I know. I'm done une information. No, wait. I can get you some food. Yeah, it's gonna be other people's grub, but you could use it more than them. I can get it for you. And I'll just give it to you. Okay. It's yours if you want it. Well, I have to take it, of course. No, it's well I'll c'est ça. Okay, je pensais qu'il était en train de me dire genre. Il y a une place à l'extérieur parce que tu peux aller steal de la food. I know who's. We've been keeping tabs on a lot of people. Okay. We know who's putting grub aside. Okay, we'll get dans that, the arc. We'll dans get arc. That grub for you. We'll give it to you. I'm not asking for anything. I just need you to come back. Okay. Well, of course I'll come back. Mais j'ai pas besoin de son grub. Do you want our help? Non, j'ai pas son grub. Non? Okay. Non. Parfait. J'ai pas son grub. Mais je peux lui faire la promesse que je vais come back. Okay. C'est quoi, c'est la grenouille, hein? Ouais. Moi, j'ai une question, d'ailleurs, c'est parce que... J'ai pas la roue. J'ai vraiment pas de ration. Alors là, on s'est fait dire, genre, vous allez aller chercher ça dans le Wasteland. Ouais. Mais vous avez une destination. Mon concern, c'est genre, I don't have enough water and food. Je vais vous laisser ramasser du stock avant de partir. Il y a une chose, par contre, qu'elle pourrait faire pour moi. Yeah, I'm listening. C'est de mettre un guard sur mon solarium. Is that tea you're making? Sort of. Yeah. What are you boiling your tea in? C'est des champignons. Du water. Si tu lui donnes one ration of water, okay, she will protect your den while you're gone. Ben, she give up le grub. She donne son grub. No. You're gonna have to pay. If you want her to do something, you're gonna have to pay for it. I probably need to grab my quelqu'un pour te donner. C'est pas exactement. Puis pourquoi exactement qu'elle veut que je come back? C'est juste que je suis un stalker. You're one of the best stalker. This expedition has to succeed for everyone. Okay, but well, you could put some extra muscle on this expedition. I don't know if I can spare anyone. We have to guard all the supplies. Elle pourrait spare les expendables. Maybe. Tu veux-tu roll quelque chose? Tu veux-tu roll manipulate? Yeah, sure. Manipulate. Je vous en rends parce que t'as vu qu'il me genre vraiment à l'oreille pour dire que t'es genre, ouais, sure, je veux roll manipulate. I don't know why, but I want to roll it. I want to roll it. Pretty good. Fait que manipulate, c'est empathy. Oh shit. Nope. I push. Broken. No, 4-5. Nothing. She doesn't budge. She's, I can't spare the people. I'm sorry. Okay. I know it would help. Right. If I could, I would. Je paye le solarium insurance. Okay, what? Bertrand. Bertrand. You're packing your stuff. You're brushing your dog. You're feeding him rats. I don't know what your dog eats. Mon dog eats n'importe quoi. Il mange des racines, genre. De tout. Des racines, des rats. Pendant que t'es dans. Ah, pis dans le fond, toi, tu vis dans le building qui est collapse, right? Moi, j'ai trouvé c'était où mon den. Ok. Mon den, c'est un old employees lounge qui est sur le côté, dans le fond. Pis c'est dans le coin de la pièce en haut, genre. Fait que tu vis comme dans une espèce de shitty cubicule, là. Non, pas un cubicule, genre. Oh, ouais, il y a une porte pis il y a un toit, mais c'est comme. Dans une pièce à peu près, genre, grande de même, mais avec une porte dans le fond. Okay. Puis le reste, c'est le mur avec genre des fenêtres, genre qui sont sûrement pétées ou back up, genre. Fait que t'es en train de, genre ton... Sauf que je habite demain. Puis genre ton dog, il dort genre comme dans sa niche, c'est comme des cupboards, là. Ben, il y a juste un paquet de couvertes, genre... Okay. Fait que pendant que t'es en train genre de te faire du café genre sur le top d'une photocopieuse qui est sur le côté. Je suis assis à terre. Tu fais genre comme du Maxwell House, tu sais, genre comme du café instantané, comme tu sais qui date de l'apocalypse. La manière que je chauffe mon eau, c'est genre j'ouvre le truc de l'imprimante, je le mets dessus, puis genre je fais... Il y a pas d'électricité. Ok, attends. Fait que pendant que t'es en train genre de rouler une smoke avec genre du toner d'imprimante. Wesh. Ça doit être fuck. C'est super chimique, fait que c'est correct. There's a knock on your door. There's a knock on your cubicle door. On my side, your side door. Fire. Attention! Allez-vous par l'extérieur. Tout ce que tu vois, c'est le dessus d'un chapeau haute forme. C'est un job. C'est Joe Hamed. C'est le gars qui fait... Oh! Faut qu'il y ait une voix. Oh! Hello! Hello, Mr. Bertrand. Hello, Brother Bertrand. How are you doing today in this fine evening of acid rain and riots? Fine gentleman. I just what a nice dog. Genre il pète ton. Il sort de quoi de ses poches puis il donne à manger. Puis pendant une seconde tu penses que c'est le doigt de quelqu'un qui a donné à manger, mais c'est pas clair parce que ton chien est comme. And I've heard from a little bird, a little Newton bird with five wings, that you're going off on an expedition. You're going to be our savior, our salvation. You will bring equilibrium to this place, this evil place, this den of vices. Am I right? Je fais juste... Yes. Go on. We have some water we could provide. Uh-huh. We could help you in your endeavor. We could help you succeed in this great venture, in this quest, if this, I may say, crusade. You got food? No, we have water. No, Marlotte has food. And your friend fucked you over, so you don't have any food. But there's a problem. There's a sinner. We've come to know of a sinner. A sinner named Johnny. Sorry. What? Improv skills, zero. Okay, someone give me a mutant name. Braxton. We've come to know of a sinner named Braxton. Christened Braxton. And he's been a very bad sinner. He is a den of vice, you could say. He is of the ninth circle of damnation. What the fuck did you do? What the fuck do you want? I like a man who, or a person. I don't. You can be any gender you want. I like a person. I like mon capuchon un peu plus. Oh, I'm still confused. There's this man. It's a weird combo of wits qui se passe en ce moment. This sinner. This drinker of vice named Braxton. He needs to be punished. He needs the ultimate punishment. The capital punishment. He needs to be like the first mutant. Jesus. Nailed to the cross. Yeah. Oui. First mutant, es-tu vraiment Jesus-like de même? I don't know. I'm saying shit up. Mais non, he needs to be dunked into the water of purification. So, I would like you if you could convince this mutant, this man, Braxton, to go with you on this expedition. Pourquoi? And then maybe he gets lost. Maybe he falls down the hole. Maybe he doesn't come back. Maybe when he's sleeping, you stab him 27 times in the chest. Maybe many things happen. Maybe he had a red shirt. C'est vraiment que tu lises une subtile rhétorique pour dire genre des trucs trop pas subtils. Genre stab him in the chest. Maybe. All I need is that Braxton goes with you, but does not come back from his trip. He doesn't come back from his pilgrimage of salvation. Somewhere along the line, there is a corpse. And later, that corpse turns out to be Braxton. That's fine. If you can guarantee this, I know where you can get something to quench your thirst. So basically, he wants you to kill some guy if he'll give you water. Fait qu'il veut que je convainque le gars de venir la mission avec nous autres pour qu'on le laisse pour mort pendant la mission pour qu'il nous donne de... You gotta make sure that guy's dead. Parce que he's gonna give you the water when you come back and the guy isn't there. Si tu veux me convaincre de ça, faut que j'aille un petit peu d'eau à donner au gars pour lui convaincre que je peux lui donner you... de l'eau en échange. Half pay. C'est ma meilleure manière de le convaincre de venir. I'll give you. I was gonna say like a third right now, but we haven't invented numbers yet, so I'll give you like. One out of this finger, many. This finger, many? That's a lot of finger manies. I give you, like, it's almost that's a... almost that's all almost the finger a full hand. That's a full hand. I'll give you almost a hand of water. One finger and, short of a full hand. A pinky less of a hand. And I will bless your expedition before you leave the Ark. I don't need the blessing. I can need the I'll water. Do it anyways in front of everyone. Oh, no. You don't That's do shameful. In that case, forget about the water. I'll just take the blessing. We'll be fine on our own. No blessing. So, you want to, like, take a hitman contract for water? Moi, j'ai pas de problème. Oui, non, toi, tu vas tout le temps tout faire pour tout, peu importe. As long as you c'est tellement malléable comme contrat, man, prends-le. Mm-hmm. Si Braxton turns out d'être une plus grande ressource que ce dude-là, on take Braxton, on fuck le vieux Pope. Mais si... c'est pas un pauvre, c'est genre le chef du Church of the People. Braxton, peut-être qu'il va être quand même utile quand on va être là-bas. Fait qu'il va sûrement crever, genre. On devrait être juste parce que, ouais, c'est ça, juste par coïncidence, une affaire comme ça. Comme... oh shit, there's a huge beast, let's go Braxton, on pump up. Sinon, c'est pas sinon dimanche, si on l'aime bien, tu sais, tu fais juste genre, t'es Braxton, man, genre deux cases plus loin, il y a un village, là, prends deux water, pis on ne peut jamais te revoir. Genre. C'est super mariage. Fait que je te dirais, take it home. Ben oui. Donc, t'acceptes? Yeah, give me some water now so I can convince the guy. Wouah, ça c'est third pay? Yeah! Plus 4 pis on va mettre le reste de côté. Ça c'est un tiers, right? Ouais. Nice, un bon deal. Ça. Puis on a de l'aide, puis on a d'expérience. Puis je vais juste vous dire ça, en ce moment là, vous avez genre plus de stock qu'est-ce que vous pouvez amener pour votre expédition. Ouais, votre ça expédition. Vous êtes comme, yeah, on a du stock, oh, on veut pas tout amener. And the last thing, fait que pendant que Marl fait comme des tours de garde au truc de water, il est relief par du monde, puis il commence, il s'en retourne à son den, à son chili den. And Marlott is there. Are you doing okay? Ça va? Tout va bien? Still a little tired. Faites-en, on va s'occuper. As-tu besoin de quelque chose? Do you need something, soldier? J'aurais besoin d'un peu d'eau. J'ai pas tant que ça d'eau. We have to ration stuff. I'm sorry. Marl fait partie du Marlott Corps maintenant? Ouais. Oh yeah. I wish I could give you something. I don't have anything to spare. Well, I don't have what you need to spare. The thing is, I know Kara, you know Stalker. Kara, I've heard her speak of the pure plant before, La Place was Confucian Valley. She probably knows a way, or at least she knows about it. Oh. But she doesn't want to talk about it. But she knows about it. Spooky. I think you should go convince her. Yippoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo freebie là. What's in the plan? Fait, you find Kara, she's roasting a zone rat on a stick. En fait, c'est plus mon intimidate parce que je vais dire comme c'est quoi, tu veux que tout le monde meure? C'est pas le problème! T'es avec nous, t'es contre nous! Vas-y, tu peux roll intimidate. Yes. Yeah! Ah, mais pas de 1. Push. T'as pas de 6, t'as pas de 1. Mais pas de 1. Ah, tu peux reroll si tu veux. Push. C'est beaucoup de dés, là. C'est beaucoup de dés, fait qu'il va y avoir des 1. Trois failures avec deux réussites. Avec deux réussites, parfait. C'est strange. Quoi? Ben, c'est quoi déjà ton talent? C'est mean streak, que genre quand elle a un point d'alt. Parfait, là. You break her. Oh! Fait que tu prends. I spill the beans. She spills the beans. Mais j'ai fucking mal. She goes, yeah, ok, whoa, wait! Je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai tellement crié fort que je me suis genre craqué le cou. c'est genre t'as tiens genre par le pied, genre t'es comme sur le top du aircraft carrier pis t'as tiens par le pied genre au-dessus du vide le pied comme oh yeah, ok, yeah. Ok, I've been there. I didn't want to say because I was gonna make a buck, but I would rather not die. So, once you get there, you're gonna find trouble. There's a bunch of zone ghouls there. These zone ghouls, they're kind of like mutants, except they don't have power. They're just like city zone ghouls. They're mutated humanoids. Okay. there's a zone ghoul nest over there. You're gonna be in trouble. And juste une question. What? Genre sur le jeu, là, un nest, genre, c'est des ferals, c'est des anciens humains ou c'est comme juste. You don't on know sait that? Vraiment pas. C'est des humanoïdes, c'est pas des mutants, ils ont pas de pouvoir. They're afraid of light. They're scared of the sun damages them. But they can drink rot water, they can eat rotten food. Comme le rot les affecte pas par contre. Ça ressemble presque à genre métro. Fait qu'il y a beaucoup. Il y a des ghouls là-bas. Des ghouls de fort. The pure plant is on a small island. And inside the plant, you're gonna find tunnels. There are tunnels. That's. Put me back up. Please, just put me back down. This is really high. Put me back down. Punk. All right. Perfect. You guys are ready to leave on your expedition. Mais... Prenez en compte tout ce que vous avez. Ouais, c'est ça, j'ai dit. C'est 5 secteurs à voyager. Je me suis dit que c'est 5 jetons de chaque personne. Non, l'affaire, c'est que 1 secteur, c'est 4 heures okay. de voyage. Ça pèse combien le grub puis là? 0.25 chaque. 4, ouais, c'est ça, 0.25, un quart. 0.25 chaque, ok. Puis ta force, c'est ta seule capacité, c'est ta force sur deux, il est écrit dans ton... T'sais, si vous voulez, c'est tout le stock que vous pouvez acheter en ce moment. Excuse-moi. Je pense que le rifle, c'est bleu. Un rifle, c'est quoi? C'est le medium? En ce moment, en fait, en ce moment, vu que le... Je vais changer ce que je disais tantôt. Ok, pardon. En ce moment, vu que le arc est nouveau, les choses qui ont des price range, c'est le high price. It's the highest price right now. Ok. Si vous voulez acheter du clean water is 4 times the price. En ce moment, d'habitude, une ration d'eau, c'est 0.25 de bullets. Fait qu'une bullet, c'est 4 eaux, mais en ce moment, c'est 1 pour 1. Je vais acheter une paire de jumelles pour 3... Ok. Des jumelles, scrap binoculars. Ouais, je vais les faire à 3. C'est... ça pèse 0.5. Ok. Ça te donne plus 1 to scout. Oh shit, moi j'en voudrais. Dans le fond, c'est du gear. C'est un gear qui te donne plus 1 dé de scout. Shit. Si jamais tu pushes ton roll de scout avec tes jumelles, tu peux c'est les péter. Bon, man, je t'ai passé contre un scout et nous on va être ensemble. Il va les péter. Deux qui va dealer avec le lay of the land pis tout, all that shit. Ça, c'est tiny ça ou c'est. Hmm? Un scarf rifle, c'est considéré comme quoi heavy, normal. Medium. Fait quoi, c'est ça quand on échange, donc on peut échanger genre medium, de l'eau aussi à la place du bullet. Sure. Oh, ouais. Fait que c'est medium. Oui, dans le fond, tu pourrais dire que en ce moment, une eau vaut un bullet, ce qui est énorme. Ah ouais, c'est 400% d'inflation. Mm-hmm. Puis des bullets, c'est des tiny items. Fait que les bullets, à moins que t'en aies comme 20, ça compte pas comme un item. Ouais. Ok, Tony, c'est ouais, faut que t'en aies 10 pour... Ouais, pour que ça compte pour un light. Un light, c'est 0.25, je pense. C'est 0.5. Puis, on a bien, genre, c'est toutes les slots qui sont là. C'est deux fois ta force. Deux fois ma force, ok. Oh, shit. Mais si j'ai du... Mon gear, ça? Ouais. Oh my god. Si j'ai du force de damage... Je pense que j'en ai mis. Ça, non. C'est deux fois ton attribut au complet. Okay. Les damage qu'on peut. Peux-tu me dire le beau combien il pèse? 1. Puis le scrub rifle. Okay. Il y a juste Marl qui a un heavy item qui est 2, mais qui est plus 3 de damage. Fait que, en gros, là, côté combat, if Marl touches you, you die. C'est à peu près ça. Là. Moi, ouais. Puis les weapons, ça compte aussi? Ouais. Un scrap knife, c'est un light weapon. C'est 0.5. Ok, fait que tu peux faire comme une demi quelque chose. C'est un demi. Fait que tu peux écrire comme deux choses dans la liste. Alright, let's go to the zone! Est-ce que quelqu'un a du grub en fil? Je pourrais trade du water. Du grub? Non, yeah. Thank you, man. Vas-y, m'en reste combien? This is water. T'en as d'autres dans ta pile, là. Je crois qu'il me reste juste deux bras. Ça, c'est ce que j'apporte. C'est ce que j'apporte pour l'expédition. T'as combien besoin de gras? Ça dépend de combien de temps. Moi, j'en ai deux en ce moment. T'en as deux? J'en ai apporté trois gras de hot water pour l'expédition. Je pense que ça va être assez. Trois jours. Oui, c'est juste 4 heures encore. T'sais, j'assume le worst, mettons. Fait que c'est pour ça que j'apporte pour 3 jours. Fait que du gras pour 3 jours, ça va être. Je pense que ça va être en masse. Tu veux dire du water? Faut que tu confesses des tours, genre? Est-ce qu'on dort tout en même temps? On dort comme vous voulez. Non, mais ouais. C'est un bullet? Ouais, j'ai aucun bullet. Thanks, man. Au prix de la journée. Faut que tu t'apportes des provisions pour ton dog aussi, comment ça marche? Comment non, son dog, il feed off the land. Il peut boire du water, puis ouais. Il boire du rock. Son dog, il est comme un gros guignol, le rock. Mais moi, ma question, c'est que je pense à aller dans la zone, et il n'y a même pas genre. Il y a les yeux shit ou rien comme nice. Genre ration d'expédition. Non, mais ils ont offert du stock, là. À peu près tout le monde a dit non au stock qui a été offert. Ouais, mais c'était. C'est pas ça. En tout cas, ouais, non. Non, mais. Tout... Offrir du stock qui est pas à toi, là. Non, mais chaque faction ou presque vous a offert quelque chose. Pis tout le monde a fait, tu sais, je veux dire, Sixter, c'est. Moi, j'ai battu un dude, pis oui. J'ai eu. Non, mais tu vois, Sixter, il a offert des bullets. Sixter, c'est la faction du Rule. Ils ont offert des bullets. Marlotte, le Legion, ils ont offert du grub. Johamed, il a offert du water. Qui a eu. Mais. People are big dicks. C'est genre, j'ai eu de l'eau. We gotta bring this guy and kill him, mais comme vous savez, ils vous en ont pas encore parlé par contre. Je leur en parlerai juste. Ah, ça va juste happen. Je me dis mort un gunshot la nuit, genre, pis hop. Sorry, mon rifle a misfire dans la face de l'autre. Nous, c'est le point vert, right? Fait que là, nous autres, faut qu'on se. Okay. Tu sais, en fait, ce serait bon de se concerter, savoir, y a-tu du monde qui apporte. Tu sais, moi, j'apporte plus de ça, l'autre apporte plus de ça. En fait, gars, je vais vous montrer c'est où le Pure Plant. Ouais, take all parce my que regarde, si me. C'est 5 secteurs, ça veut dire que si on fait juste dormir 4 heures une fois dans la journée, ça veut dire que ça nous prend une journée nous rendre. Mais wow. Aller. Fait que dans le fond, puis ça veut dire que si c'est par jour, ça veut dire qu'on a besoin de. Si on veut revenir. Mais c'est comme le vic, c'est 1, 2, 3, 4. Ça nous en prend. Ça nous prend 8 bouffes, 8 eaux, certains, pour qu'on puisse survivre de faire l'aller-retour. C'est ça, ben le vic lui disait plus peut-être 3 par personne au cas où qu'elle mettons shit à peine. Mais oui, c'est sûr. Une chose qui est à se rappeler, un des skills spéciales de Max Cousteau, qui est Find the Path. Know the zone. Non, qui est Find the Path. Avec Find the Path, Max Cousteau peut trouver du rot-free water dans la zone ou du rot. Contaminated food. Oh ouais, je suis ultra stalker. Dans Arch, je suis quasiment useless. Il peut comme forage un peu. Par contre, si vous trouvez de la bouffe, it's gonna be contaminated food. But he can find you water. Je peux trouver du clean water. Il peut trouver du clean water, yeah. Mais il peut pas trouver du clean food. Fait que si vous hésitez, techniquement, de la you're better off bringing more food. Mais oui. True. Sauf que. Si vous tombez, on va dire, mettons qu'un des encounters que vous avez dans un secteur, c'est genre, there's a giant beast, and you kill it. You can just fucking eat it afterwards, ça tente-le. Mais ça se peut que ça soit comme un tyrannosaure. Fait que t'es comme, c'est peut-être pas le meilleur deal. Mais Jerry rig in for days. Ah, mais c'est parce qu'après ça, c'est bien beau de le tuer, mais tu peux pas le ramener. That's too much meat. Mm-hmm. Like, tu le tames. Ça prend-tu absolument des. Ben, je te dirais, regarde, donne-toi une idée de ce qu'il y a. Puis passe la feuille. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous pouvez aller en diagonale. On peut aller en diagonale. Ça peut même être plus court que ça. Fait que c'est 5. Ou ça peut être plus long, s'il y a quelque 5 chose... 5 x 4, c'est 20 heures. S'il y a quelque chose que vous voulez explorer de particulier... C'est un trip de 20 heures, si on s'arrête pas nulle part, c'est je où? Me... C'est où? C'est au P, ici. C'est au P? Ah. Yeah, c'est genre sur la petite île, là, I guess, parce que le P est pas mal en plus d'eau. Des choses tout de suite que je vais vous dire que vous allez devoir prendre en considération, qui est peut-être quelque chose d'inhabituel pour un RPG. Non, c'est pas de l'eau, ça, ok, c'est juste... Il va y avoir du weather. qui va changer. Ok. Puis là, j'ai genre un sheet avec les heures des journées dépendant des saisons. Traveling at night, pas la meilleure idée du monde. Quand je dis post-apocalyptique, là, dépendant de la lune, là, c'est peut-être pitch fucking dark. Là. Okay. Fait que tu dis oui, c'est 20 heures, mais you're gonna have to travel at night. That's dangerous. Don't do that, c'est sûr. Non, mais tu peux. Ouais, mais c'est dangerous. Mais c'est pas recommandé. Est-ce que il y a des tales à propos de trucs qui sont pas trop loin de la base, comme le Deadlands puis le Weird Orb, qui sont en chemin vers le plan? The Weird Orb is... No one's been there, but it's supposed to be like a giant sphere that lights up at night, okay, that you can see from like miles away. Mm. That's it. Interesting. The Deadlands... Apparently, when you're close by, you can hear like moaning or singing or some sort of like a low hum. Shit, don't go there. That's it. Those are legends. Okay. All right. Thanks for the information, old man in the street. Ça, c'est Davin qui dit ça, qui est un des chroniqueurs, un des genre knowledge guys. Nice. Ben, y a-tu un endroit David où est-ce qu'on peut mettre nos affaires? Si vous le laissez genre dans votre home, est safe. Ok. Sauf Max Cousteau, c'est extra safe. C'est vrai, vous pouvez stasher ça chez nous. Oui, à la limite, tout le monde peut stasher son stock chez Cousteau. Là. Parce qu'il y a un garde. À moins que tu veuilles les charger. Non, c'est pas. Oh, c'est ça. C'est mon crew. Ouais. Je suis pas un business. Check la quantité de bullets que Pioé a là. Elle a 3 stacks. C'est pas ce que je veux des artefacts. Je veux find meaning. Puis elle me sert de knowledge. You find a life magazine. Je veux find genre. Ouais, c'est ça. Même. Est-ce qu'on aurait pas besoin d'une tente peut-être? Je sais pas c'est qui regarde. C'est Marc. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est vrai, de l'équipement pour. Ouais, c'est ça. Mais j'ai plein de bullets. On va passer 2 jours. Non, on dirait que t'as pas de gun, c'est correct. Est-ce qu'on passe minimum 2 jours dehors, là, t'sais, faut quand même qu'on se prépare pour... Je me dirais, à la limite, je pourrais quasiment essayer de trade de l'eau pour des équipes. T'sais, que ça marcherait à cause qu'on... Le Vic, il avait comme un bon point. T'sais, le Vic a dit, ah, ça prend comme... Si on s'arrête pas, ça prend 20 heures pour se rendre. Mm-hmm. You also have to come back. Non, mais c'est ça, j'avais dit ouais, ça prend au moins 2 jours, là, c'est comme une journée y aller, une journée à toutes les 24 heures, il faut que vous mangez un grub, drink one water, and sleep at least 4 hours. Mm-hmm. Ok. Fait que dans l'avant-dernière case, on reste pour 4 heures. On va être fine. On mange on va être fine, famous last words. Mais c'est ça, puis là justement, tu sais, comme ça va être la nuit quand on sait pas là-bas. Qu'est-ce qui peut arriver, c'est qu'on est minimum 2 jours dehors. Ça se peut qu'on... Pas en apporter 4 dans le fond de chaque, j'imagine. 4 quoi de chaque? 4 d'eau puis 4 de bouffe. 4 d'eau, 4 food, genre. Non, mais je vais. S'il y a de quoi qui se passe, j'imagine que c'est plus ça qui s'en prend. Plus la bouffe, moi je rapporterais plus de bouffe. C'est vrai, parce qu'on peut boire de l'eau rotten n'importe quand. Plus ou moins, ça m'a donné même des idées, mais. Ça, genre, faut qu'on s'achète une spade. Dans le fond, en fait. Ça, ça serait une bonne idée. Ça, c'est. Checker les rod suits, ça peut être vrai. Ça, c'est comme. Il y a plein de choses. Ça de une ration de rod. Mais ça aussi, pas penser à ça. Mais déjà, c'est comme genre. 10, pour cook le rot food, c'est un light item. Ça donne cook. Okay. Ça, c'est 0.5. Ouais, ça, c'est 0.25. Fait qu'en fait, le rot food, ouais. Est-ce qu'on peut le cook pour qu'il soit juste pure rotten? Éventuellement, oui. C'est un talent que quelqu'un va pouvoir. C'est genre, c'est un skill que quelqu'un va pouvoir apprendre éventuellement. Pour l'instant, il n'y a personne qui l'a. Avec genre pots and pans. Non, mais ça, pour l'instant, ça sert à rien. Okay. Huh. L'affaire, c'est que vous pouvez manger là, du rot contaminated food, du rot contaminated water. Ça donne des vous allez prendre du rot damage, mais vous pouvez le manger quand même. Okay. C'est quoi ça donne, un damage puis des mutations? Dans le fond, c'est que à chaque fois que tu gagnes du rot, ouais, tu lances un nombre de dés égal au total de rot que tu as en ce moment-là. Okay, okay. Mettons que tu manges 2 de bouffe, tu gagnes 2 de rot. T'es à 0, t'es à 2, tu lances 2 dés. Ok. T'avais déjà 1 de rot, tu manges 2 de bouffe, t'es rendu à 3, tu lances 3 dés. Toutes les 1 que tu pognes, c'est du damage que tu pognes automatiquement maintenant. Ok. Si tu pognes, mettons, tu lances 3 dés, tu pognes des 4, des 3, you're fine. Tu peux accumuler encore plus de rot. Les 6, c'est des mutation points, t'as gagné. Il se passe rien. Tu veux juste pas des 1. Juste pas des 1, ok. Une fois que. Quand t'es dans une place qui a pas de rot, qui est un rot oasis, ou quand t'es au arc, tu peux te laver, tu peux prendre une douche, te décontaminer. Oh, ton rot. Tu peux enlever du rot. Tu peux enlever la moitié. Mais à chaque fois que tu essaies d'enlever du rot, il y a une chance que le rot que tu as devienne permanent. Oh! Puis, une fois que tu t'es décontaminé, le rot part tout seul, naturellement, un point par jour. Okay. Fait que mettons qu'une fois que tu as fini, on va dire l'expédition, tout va bien, tu rentres au arc, tu lances pour te décontaminer, puis après ça, ce qui te reste va juste s'effacer tout seul automatiquement. Okay, c'est fine. Straightforward. You could have cancer forever, or maybe not. Fait que des fois ça va être genre, est-ce que je mange ma canne de beans, puis j'ai peut-être le cancer, ou je meurs pas de faim? Pas de faim, ouais. Ouais, c'est good. You want beans or cancer? Tu sais, ça va être ça le choix à faire. Ok. C'est beau. Fait. Moi, peux-tu essayer de me healer? Non! Fait que. Life sucks! Ça coûterait pas cher en eau pour même pas mettre des torches. Mais c'est quoi? Parce que je juste quelque chose de. Mais c'est ça, une tente, ça serait pas utile. Pour. Y a-t-il une tente? Pour oui, trois tente. Bullets ou trois rations d'eau, je te permets de healer un. 3 pour 1. Voilà ce que je vous propose, guys. Qu'est-ce que c'est? Moi, je proposerais de faire un truc. Ça vous tente de. Ben, je sais pas si ça vous tente de visiter ces deux places-là. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est passer ici, entre les montagnes. Puis y aller straight up. Ah, ça, tu vas acheter? Puis après ça, en échange de water. Genre, en s'en prenant. L'eau se vend pour un bullet. One is one. Genre, juste en évitant ces deux. C'est deux cases-là. Ah oui, ça vous tente d'aller. Parce que c'est un. Ça m'intéresse un peu. Ça va pas réarriver une inflation même. Les Deadlands, ça me tente vraiment pas d'aller. À moins qu'on soit genre fin avec les gars. Max Price pour l'instant. Ouais, non, c'est ça, je pense qu'en ce moment, continuons tout droit. Ce que je te disais, c'est que, c'est que les bullets, toi, t'en as vraiment beaucoup. Si tu veux amener toutes tes bullets, c'est que c'est quand même lourd. Mais oui, non, je vais pas tout apporter. Pour te donner une idée, tes bullets, si tu comptes pas les utiliser, tu peux les laisser là. Ça va te permettre d'apporter plus de bouffe, mais plus oui, d'eau. Oui, parce oui. que 10 bullets, c'est l'équivalent genre d'une ration d'eau ou de bouffe. Ce qui peut vraiment faire une grosse différence. Là. Oui, oui, tout à fait. Mais, ouais, non. Je pense pas que je vais apporter les bolettes non plus. Ça n'a pas servi à grand chose les bolettes dans le zone. Je sais pas. Ben à part pour Max en ce moment, il y a personne qui peut les utiliser. Ouais, mais tu comme moi, je vais pas les utiliser pour qu'on les. Je vais pas les utiliser pour qu'on les shoot dans le monde. Là. Moi, je vais m'en aller, je vais garder les bolettes pour moi. Là. Les gars, là. Mais ouais, fait que sinon, c'était quoi d'autre? T'avais Baina qui est là. Peut-être une arme, ça serait bon. Lui, c'est pas ni des binoculars. Mais mon scrap knife, il fait plus 1 damage de 2. Ça pèse 2 en fond. Ce qui me fait chier avec apporter trop de food, c'est que je peux apporter moins de stuff. Mm-hmm. Mais c'est ça. Si je calcule. Ah, ouais, attends, c'est 0.5. C'est vrai, c'est juste genre. Quand on arrive, tu me passerais la fée. Ouais, je suis en train de calculer combien ça. Ouais, chaque. Fait que juste apporter 4 water pis 4 food, c'est juste 2 points dans le fond. C'est pas si pire que ça. Non, c'est ça, moi j'ai pas grand chose. Mais moi en fait là-dedans, en ce moment, j'ai un scrap type. Fait que. Ouais, on prend une petite pause. Le temps de get our drinks up.